des mangas, des comics, des BD. Cette semaine, on a lu plein de merde et on en parle maintenant. Ouais. Balance le générique. Sur table, votre émission comics, manga et BD en règle générale. Avec moi pour en parler autour de la table des nouveautés, je suis avec Necro, ouais, Alex, ouais, et Issam. Ouais. Pour bien commencer la vidéo, on va commencer avec une blague de Tex. Alors, oh merde, c'est vendeur. Messieurs, comment allez-vous? Ça va, tranquille. Ça va, grand. Et moi, ça va. Il y a de la bouffe autour de la table, alors ça va. Avant de commencer notre petit tour de table pour parler des nouveautés qui ne sont pas très nombreuses ce mois-ci, enfin, en tout cas, on n'a pas lu grand-chose, on n'a pas trop eu le temps. En ce qui nous concerne, vous, qu'est-ce que vous avez fait en dehors des podcasts? On va commencer par roulement de tambour, Issam. Ah, je suis pris par surprise, du coup. Bon, bah, du coup, Alex. Alors... Bah, du coup, Issam. Commence par toi. Allez, Necro, dis-nous. Non, commence par toi. Moi, je suis en train d'essayer de recomposer les trucs. Bah, alors, Issam. Moi, j'ai sorti un nouvel épisode sur ma chaîne YouTube Cinéma Archiviste. Ouais, il y a eu un nouvel épisode, enfin. Beaucoup de travail de montage, si j'ai bien compris. En ouais, c'est en ce moment beaucoup. Bah, du coup, en dehors, pas grand-chose. Je regarde des films, comme d'hab. Voilà. Là, moi, c'est un peu pareil. Hein. C'est... En dehors, pas grand-chose à part du jeu vidéo. C'est pareil pour tout le monde, je pense. Beaucoup de Xenoblade Chronicles 2. Qui est bien, donc. Qui est très très bien. Qui est en 240p, je crois. Ou en 360. Ouais, qui a une résolution dégueulasse sur l'écran de la Switch. C'est le portage Nintendo. C'est ça, qui a une résolution dégueulasse, mais sur la télé, ça passe bien. Mmh. Donc voilà. Le doublage anglais est à mourir de rire. Alors, il y a les voix Jap disponibles. Mais le doublage anglais est à mourir de rire parce que je pense qu'ils ont été voir un vrai studio anglais. C'est-à-dire qu'ils ont tous un accent de ouf. Ils ont tous un putain d'accent. C'est phénoménal, quoi. Même dans Harry Potter, les acteurs n'ont pas un accent comme ça. Mmh. C'est extraordinaire. Necro. Moi, en ce moment, je suis en train de regarder toutes les lois concernant le copyright de façon à pas me faire niquer. T'es dans la merde. Et c'est le bordel parce qu'en fait, personne ne sait rien et même les juges ne sont pas d'accord entre eux sur ce qui est possible ou non. C'est-à-dire, par exemple, le fait de faire une parodie, normalement, ça passe sans problème. Est-ce que t'as le droit aux parodies en France ? Bah oui, sauf que selon la plateforme qui s'en occupe, machin, truc, bidule, c'est compliqué. Je te conseille de même pas lire ces lois parce qu'il y a un truc très simple, YouTube n'en a rien à prendre. Ah oui. Mais même si on prend les lois en tant que telles, par exemple, le joueur du grenier est parfaitement dans l'illégalité la plus totale de tout ce qu'il fait. Mais non, mais en fait, il est ni dans l'illégalité ni dans la légalité, tout simplement parce qu'en fait, il y a un débat qui n'est pas arrangé sur ce qu'on peut appeler le droit à mettre des extraits. C'est-à-dire, il y a dans la loi française, il y a un droit à la citation qui existe, mais les juges ne sont pas d'accord sur la possibilité de ce droit à s'appliquer à l'audiovisuel. Voilà, c'est une citation n'est pas un morceau de vidéo. C'est ça. C'est donc, une catastrophe. C'est pas du tout régulé, tout le monde fait ce qu'il veut, c'est YouTube qui règne, en gros. Même quand il y aura des lois, de toute façon, je pense que YouTube en aura rien à foutre. Et au cas où tu es striké par YouTube, en cas de... S'il y a litige, c'est une sorte de jugement entre donc celui qui réclame les droits et toi, et le juge, dans ce cas-là, c'est celui qui réclame les droits. Vous êtes tous convoqués autour d'une table. En gros, te renseigne pas sur les lois, fais ce que tu veux, tu te feras baiser. T'as ça pour justifier, t'as quelques lignes pour justifier et c'est tout. Ouais, t'as l'équivalent d'un tweet pour justifier et t'as pas plus. Surtout que c'est super facile maintenant de reporter une vidéo, de la signaler et de te faire striker, quoi. Complètement. Bah, n'importe qui peut le faire. Tu peux réussir à faire striker une vidéo qui n'a absolument aucun contenu... Donc voilà, c'était la joie. Elle est sur Dailymotion. C'est encore. C'est le service qui meurt petit à petit parce que les serveurs sont nuls à chier. Alex. Moi, ma meilleure actualité, ça doit être donc ce que je disais tout à l'heure en off, Ash vs Evil Dead sur Netflix, qui est super. Qui est très très bien. Très, c'est bonne série. À mourir de rire. Très très drôle et qui quand elle fait du gore, le fait plutôt bien. Ouais. Et un gros hommage au film, même au niveau des effets spéciaux. Voilà. Ouais. Ça c'est. Ouais, tu restes dans spéciaux, le maquillage. Jus des vieux films là. Ben, c'est. Sam Raimi est à la production et on sent qu'il a quand même une main sur la série. Clairement, parce que y a des effets spéciaux, c'est digne des premiers films. Les effusions de sang, comme ça. Ah, même, les effets musicaux avec la caméra, la shaky cam et tout. Ouais, c'est ça, quoi. Ah ouais, c'est très très bien. Ils ont rajouté, je crois, les deux premières saisons, du coup, sur Netflix, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça, c'est les deux premières saisons. C'est 30 minutes par épisode en moyenne, c'est des saisons Pas, c'est 20-25. 25 minutes 30 ouais, 25, entre 25 et 30 minutes, ouais. Par épisode, c'est du 12 épisodes par saison. Ça se regarde super vite, c'est super bien. Ouais, ça passe super vite. Si vous avez vu les films, que vous avez aimé les films, vous pouvez y aller pour la série, c'est très très bien. Est-ce qu'il serait pas temps du coup de parler de manga maintenant? Parce qu'on n'est pas dans la guerre des clapes ici. Cette seconde émission, pas très très bien. Non. On n'a pas parlé de Doctor Who encore. Oh merde. Oui, mais ça, il fallait en parler pendant ton tour d'actualité. Nous allons parler manga maintenant. On va commencer par du manga. On va commencer par un manga qu'on a tous lu. On va commencer par moi quand je me réincarne en Slime, un manga que nous avons tous lu, un manga édité par Kurokawa, inspiré d'une œuvre originale de Fuse, car ce sont à la base des light novels. Et le manga est écrit par, enfin, est dessiné par Taiki Kawakami. Il y a un designer pour les personnages qui s'appelle Mitzvah. Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, voilà, ouais. Non, j'y ai pensé, j'ai pas osé. Non, pas de blague sur les juifs. Non. Alors, est-ce qu'on est d'accord pour tous, enfin, est-ce qu'on est tous d'accord autour de cette table, j'en permets vous, pour dire que c'était une bonne surprise? Oui. Ouais. C'était très bien. En ce qui me concerne, je m'attendais vraiment à un truc pas terrible. Ouais, c'est pareil. Ouais. Alors, en partie à cause de la couverture qui est quand même très moche. La jaquette racoleuse et puis le titre. La couverture, c'est quand même une nana avec un slime. Et vu qu'on s'était tapé un truc peu avant qui était pas. On en parlera bientôt. Voilà. On a eu peur. Enfin, moi j'ai eu peur. Mais non, c'est moi, très bien. Moi j'avais préparé des mouchoirs, mais. Ouais, ils m'ont pas servi. Pour pleurer. Ouais, pour pleurer. Ouais. Pour te moucher ou. Oui, oui, oui. Donc, qui fait le résumé? Ce gros blanc. Bah, c'est l'histoire d'un salaryman qui meurt. Qui meurt. Il se fait écraser, je crois. Non, c'est pas ça. Il s'interpose. Il y a son pote et sa nana qui se font agresser. Donc lui, il s'interpose entre l'agresseur et ce couple. Et du coup, il se fait poignarder. Enfin, c'est lui qui prend le coup de couteau qui l'achève. Ouais. Et ses dernières paroles, c'est wipe mon PC parce qu'il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs douteux dessus. Voilà. Et sinon, sans doute l'auteur de Kenshin, donc. Ouais. Et quand il se réveille, quand il ouvre les yeux, il est dans une grotte avec Kenshin, un dragon. C'est vrai. Ouais. Et on parle pas pendant que je parle. Mais ça va en venir aux mains là. Alors, c'est même pas qu'il se réveille devant un dragon, déjà il se réveille, il sait pas où il est. Voilà. Au tout début, parce que c'est tout noir, parce que c'est vraiment un slime tout con à la base. Il y a une voix qui lui parle, et quand il réussit enfin à voir ce que c'est, il voit un dragon énorme. Et là, il dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il se réveille dans un univers type RPG, alors c'est peut-être le truc qui n'est pas original dans le bouquin. Ouais. Ça, bah, c'est du vu et revu maintenant, mais bon, après, ça le fait plutôt bien. Donc, ah bah, oui, voilà, ces dernières années, ça a été surexploité, le truc du personnage qui d'un seul coup débarque dans l'univers RPG. Bon, ça, c'est. Voilà, ça, c'est ce qui en fait une bonne surprise au final, c'est que t'es encore dans la mode des RPG qui est vachement dominante en ce moment, mais c'est bien fait, c'est cool, c'est frais. C'est plutôt bien dessiné. Ça se lit bien, ouais, c'est bien dessiné. Lisez pas ReZero, lisez ça. Mais les gens lisent bien ReZero. Les gens lisent ce qu'ils veulent, voyons, monsieur Nécro. L'anime est encore mieux. C'est avec les deux fifis, c'est ça hein. Les deux servantes. Les deux fifis. Ah oui, oui, c'est ça, oui. Ouais, c'est ça qui. Oui. Ouais, ouais, mais elle tue, donc c'est bien. Ah. Un truc à rajouter, Sam? Non, c'est fun. C'est bon, j'aime bien le côté découverte des pouvoirs. Ouais. C'est en plus vraiment très RPG. On dirait qu'ils montent de niveau régulièrement. Ah, mais bon, ça c'est les trucs à pas louper, ça, les découvertes des pouvoirs, quel que soit le média. Ouais. C'est le truc qui peut être vraiment intéressant. Parfois, ça fait un peu Deus Ex Machina, mais. Ouais, des fois, oui. Oh. La situation se retourne un petit peu facilement. C'est le manga, quoi. Oui, et puis on peut espérer que ça évoluera, enfin, qu'il aura des défis plus sérieux par la suite. Ouais. Mm. À noter qu'il y a une partie roman, en toute fin de volume. Toute fin de volume, t'as une vraie partie romancée. Oui. Qui est plutôt pas mal. Et qui est plutôt bien écrit, en tout cas. Mm. Qui est pas dégueu. Et qu'au début, j'ai mis quelques secondes à comprendre dans quel sens on la lisait. Oui, non, parce que c'est con, parce que t'as la lecture, t'en rassens, et puis d'un seul coup, tu te retrouves avec une partie roman où tu dis. Mais... Ah, tu lis à la française, quoi. Enfin, à l'occidentale. Voilà, mais il y a un petit moment d'adaptation, du coup. En train de lire un manga, quand on te dit non, maintenant faut lire dans l'autre sens. Non, c'est comme quand t'enchaînes un manga et un comics. Ouais. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Faut savoir qu'aux USA, il y en a qui ont porté plainte contre des trucs genre Amazon, des trucs comme ça, parce qu'ils avaient reçu des livraisons de livres à l'envers. Qui étaient à l'envers, écrites à l'envers. Il a fallu qu'on explique ce que c'était un manga. Putain. C'est comme les platistes. Les États-Unis. Ne revenons pas sur les platistes. Non, les platistes, moi quand je vois, hein, d'après ce que je vois. Hein. Bon alors, les platistes, Doctor Who, voilà. Les coraux. Il faut pas en parler. Si, les coraux, ça passe. Buffy. Les coraux, ça passe. Buffy, il faut pas en parler. Il a réussi à caser sur Buffy. Ouais. Je crois que la Terre, elle a pas la forme d'une grosse. Oh merde, putain. Allez. Tu crois que Doctor Who, il est platiste? Qu'est-ce que j'en sais? Ah bah ben voilà. Moi, je suis sûr que non. Ce débat de l'éternel. Aussi. Reptilien, Docteur Who, tu savais pas? Ah non, il est pas reptilien. Mais si, il croit en Raptor Jésus. C'est un seigneur du temps reptilien. C'est dans la série V, ça, les reptiliens. Tu les vois, ils se font bouffer. Dans la série V. Ah, il était trop bien, cette série. Mais ils vivent sous terre. C'est ça, mais lui, il a survécu parce qu'il est aussi seigneur du temps. Bah, On n'est pas dans la guerre des claps, là. Ni dans votre prochain podcast centré sur Doctor Who. Oh merde. Présenté par Necro et Issam pendant que Alex et moi nous dormons. Qui va durer 10 heures. Pourtant, Alex, Alex a une magnifique écharpe façon Doctor Who sur lui actuellement. En plus, on commencera à partir de la saison 1. Ce sera bien. Bah avec tous les épisodes qui ont disparu, au moins c'est bon, on passera vite. Ils en ont retrouvé plein, ouais. Bon bref, moi quand je me réincarne en slime, mis à part la cover et le titre dégueulasse, et eh ben c'est une grosse recommandation pour tout le monde. Il y a plus dégueulasse comme c'est titre. Très bien. Non, je parle de la typo. Ah, oui. Pas du titre en lui-même, vraiment de la typographie. Voilà, c'est. Bah, il y a c'est moche quoi. Il y a eu du travail, mais trop de travail en fait. Ils ont un peu chié le travail éditorial quoi, sur celui-là. Non, bah après, ça plaît ou ça plaît pas, je pense. Ouais, je crois que surtout que ça plaît pas. Ouais, la typo, ouais. Franchement, ils auraient juste mis, au niveau du choix de l'image pour le truc, ils auraient juste mis le slime au milieu sur un fond simple, tu sais, en mode ouais. Ce serait passé, franchement. Faut les comprendre, faut vendre un petit peu aussi. Ouais, faut mettre une fifille pour vendre, c'est ça. Après, c'est peut-être une retranscription après, de la couverture japonaise. Après, quand tu lis le tome 2, je spoil pas, mais t'es soulagé. Non, mais ça, c'est parce que tu l'as lu en allant aux toilettes. Non. Non. Non, il avait des mouchoirs. Non. Censuré. Bon, passons au second titre de cette émission. Tanya, the evil. The ovule. Presque. Il l'a presque bien dit. Tanya, la démoniaque. Tanya, la démoniaque, tabernacle. Bon, on l'a pas sur la table. Non, je puisque j'ai tout vendu. Tout est parti. Tout vendu. J'ai tout vendu. T'en avais qu'un, je crois, non? Non, j'en avais cinq. Mauvaise langue, va. Et de quoi que ça parle? Et de quoi que ça parle? Bah, le ça pitch commence exactement pareil. C'est un salaryman qui meurt et qui se retrouve dans un monde de fantasy. Mais vraiment, le plus pourri des salarymans à la base. Ah, c'est le connard. C'est, voilà. C'est même plus le patron. C'est vraiment, c'est vraiment un salaryman. Je l'ai lu, ça. C'est vraiment un salaryman. C'est la petite fille qui fait de la guerre, là. Ouais. Oui, la petite fille qui fait de la guerre. Salaryman qui vraiment n'en a rien à foutre de son prochain. C'est-à-dire que du moment que c'est inférieur à lui au niveau socialement, c'est de la merde. Et puis même dès qu'il est mort, il y a une entité qui vient lui parler. L'entité, c'est Dieu. Et il lui fait: non, t'existes pas, connard. D'ailleurs, ça m'a étonné. Ça fait pas très japonais comme nom, Emmanuel Macron. Oh, d'ailleurs, c'est un dieu vachement musclé. Bienvenue dans le podcast politique. Vachement musclé et tout, le dieu. Enfin, une représentation assez. Bah, il m'a fait plus penser à un dieu grec. Ouais. C'est vraiment, je l'attendais à ce qu'il y ait un trident ou un truc comme ça, quoi. Et donc voilà, pour sa pénitence, il est réincarné dans un autre univers, dans le corps d'une petite fille. C'est une autre époque, je crois. Une autre époque, ouais. Univers très, très allemand du 19e, avec une technologie. C'est un univers steampunk, mais c'est en ça. Allemagne. Et pour le coup, le côté steampunk est plutôt sympa. Ouais. Non, j'avais pensé, quand je l'avais vu, à Harry Hitler et les sorciers nazis. Ok. Je suis dépité. Reprenons, Issam. Bah bref, du coup, il est réincarné en petite fille, il devient un soldat exemplaire, première de sa classe, impeccable. Alors, faut qu'on mette en place l'univers quand même, le terrain, c'est super important. On est en une sorte d'Allemagne nazie qui, en plus, n'utilise pas la technologie mais la magie. Ouais. Et donc, on se retrouve avec des éclaireurs qui se déplacent en balai, quoi, clairement. Enfin, qui volent, ils volent d'eux-mêmes, mais c'est comme s'ils se déplaçaient en balai, quoi. Bah, ils ont des espèces de jetpack. Steampunk, mêlé à de la magie. C'est, voilà, c'est spécial. Et donc, elle a été envoyée là pour sa pénitence, mais elle kiffe plutôt d'être une. Elle veut passer les échelons. Voilà, son ambition reste là. Du coup, tuer des gens pour monter, ça lui fait plutôt plaisir. Et du coup, ça donne des trucs marrants. Genre, je vais tout faire pour. Je vais faire la personne motivée d'aller en première ligne, mais je vais tellement le faire de façon à ce que finalement ils disent: non, mais on va te donner d'autres responsabilités. Et du coup, ils disent: oh là là, vraiment motivé pour y aller en première ligne. Oh, on va lui faire un cadeau, on va la mettre en première ligne. On sent qu'elle est maudite. Et que Dieu fait tout pour qu'elle s'en prenne plein la gueule. Ouais, parce que si je me souviens bien, lui il veut monter les échelons, etc., pour être après pépère, non? C'est ça. Ouais. Et au moment où il peut être pépère, à chaque fois il y a un truc. Il y a un quiproquo qui fait qu'il se retrouve encore plus dans la merde. C'est ça. Je propose qu'on dise Liel parce que c'est un monsieur d'âge. on sait plus comment on peut définir, donc on va dire Liel. Moi je sais toujours pas trop quoi en penser. J'ai pas passé un mauvais moment. Après, il y a des défauts, il y a notamment tous les encarts explicatifs qui sont ah là, voilà, hyper j'allais relou. Venir. Alors moi, je vous avoue un truc, je n'ai pas fini le tome. Les encarts. Il m'est tombé des mains après les deux premiers chapitres, je me suis fait chier comme un rat mort pendant ma lecture. Voilà. Les encarts explicatifs sont plaies. Mais moi, je l'ai sauté. Hein. Enfin, ah mais moi, j'ai commencé à lire les premiers, je me suis dit, mais c'est quoi cette merde? Je m'en fous. Mais ça, je connais, mais fais pas chier. C'est, en fait, on croirait, tu sais, un peu ces romans qui sont édités des fois en format pour collégiens, où ça te rajoute plein de notes sur ouais. Mais c'est un peu ça, c'est l'édition pour, collégiens. Moi, j'aurais vu une Asterix à la fin et j'aurais dit, regardez sur Google si vous connaissez pas un mot. Voilà, arrêtez. Bah, ou même des notes à la fin, pourquoi pas. Oui, après, moi, je trouve l'intention louable à la fin. Mais bon, c'est vrai que les explications, enfin, tout le monde connaît quoi. Étant donné que c'est des explications sur le monde occidental, je veux bien comprendre qu'un jeune lecteur japonais ne les ait pas. Mais c'est vrai que c'est con de les traduire. Chez nous, ça marche pas du tout. Même, t'es pas obligé de les imposer dans le texte de la, du manga en lui-même. C'est ça le truc en fait. Tu mets un petit 1, 2, 3 et puis tu mets un lexique. Oui, voilà, si c'était en lexique, d'accord, mais là c'est imposé, ça fait pleinement partie de la narration. Donc c'est lourd en fait. Oui, mais même, moi quand je lis un truc, je lis tout. À la preuve, t'as pas tout lu. Bah oui, parce qu'au bout d'un moment, j'en ai marre. Oh. Mais spoiler, ce n'est pas le seul manga de cette liste que je n'ai pas fini. Sinon, l'histoire est sympa, mais un peu brouillon. Bah, l'univers est chouette, hein, sinon, à part ça. Ouais, ça a un rythme tellement lent qu'on ne développe pas grand-chose dans le premier tome, au final. Donc, ouais, c'est ça. Faudrait quand même que ça prenne un peu de punch par la suite. Ouais, alors, par contre, les scènes de combat et les scènes au niveau diplomatique, on va dire, entre les personnages, sont assez sympas. Ah, oui. C'est-à-dire que c'était les meilleurs moments. C'est-à-dire qu'en fait, le truc qui réussit à expliquer en quelques mots simples quel est le climat politique. Ouais, ça c'est cool. Donc justement, c'est ça que je me disais, mais putain, tes encarts ils font chier et ça c'est bien fait. Sérieux. Mais même le dessin est sympa. Enfin, je le trouve un petit peu brouillon par moment, mais le dessin est plutôt propre. Ouais, pour les scènes d'action, c'est vachement sympa quand même. Ouais, voilà. Les scènes d'action. Un trait un peu brouillon comme ça. Il y a des scènes très violentes. Il y a des scènes vraiment violentes. Et sinon, tout ce qui est véhicule, les personnages, c'est très bien fait, les décors sont bien. Bah, et puis, tout est géré. Ouais, sympa que non, le personnage principal, finalement, soit du côté d'une Allemagne clairement nazie. Ouais, c'est le petit côté vraiment original. Je le recommanderais pas absolument, mais ouais, faites-vous votre avis, j'ai envie de dire, sur celui-là. Oui, voilà, c'est une curiosité, quoi. C'est ça. Voilà. C'est à lire à la médiathèque. Et si ça vous plaît, vous les achetez. Ou à acheter à Gré des Bulles. Au 44 rue du Jard. 51 100, Reims. Comment ça se fait que ça soit si bien vendu d'ailleurs? Parce que j'ai pas. Parce qu'il y a un animé qui a bien cartonné. Voilà. Achetez les. Qui a dû être diffusé sur Crunchyroll, je pense, ou Wakanim. Oui, j'avais vu le premier épisode. C'était bien animé, je trouve. C'est simple, hein. Dès qu'il y a un animé, de toute façon, tu peux être sûr que ça se vende bien. Ouais, après, il y a quand même des trucs où ça peut se planter malgré un animé qui est cartonné. Bon. Achetez-les au Gré des Bulles ou feuilletez-les dans les autres libraires. Typiquement, dans les autres. Jojo, Mob Psycho. Les animés déchirent, mais les mangas se vendent pas très bien. C'est ça. En même temps, Jojo, c'est un autre problème. C'est le nombre de tomes, je pense, qui rebute. Il y a plus de 100 tomes. Ouais, c'est délicat. Je comprends qu'on veuille pas s'y lancer. Ouais, je sais pas trop. Là, je veux dire, 700€, c'est quand même un budget, quoi, pour un truc comme ça. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, c'est surtout que les gens, maintenant, les scannent et voilà. Ils commencent à circuler. Takeshi Miike. Ouais. Alors, j'ai entendu des retours qui disaient que c'était génial et d'autres qui disaient que c'était nul, comme Miike le fait depuis 10 ans. Non, pas ce Miike là. Oh, y'a mes tes coups d'assaille. J'ai commencé. Jojo, oh. Putain, tu le fais bien. Bizarre aventure, oh. Ah la vache. T'as vu que One a annoncé la fin de Mob Psycho 100? Oui, bah tant mieux. Combien? Au moins on aura une fin, c'est cool. 15ème, je crois. Oui, quelque chose comme ça. Ouais. Hein. Bah tant mieux, hein. Alors que Oda a stipulé la suite de One Piece. Alors si Oda a annoncé la fin de One Piece, ça devait être le tome 12, je crois. Il a un peu débordé, il s'en excuse. Alors ça, c'est Dragon Ball. Ça, il a parlé de la fin. À la base, Dragon Ball, ça devait tenir sur 3 tomes. On est à peu près à la moitié. On n'était pas à la moitié il y a 20 ans. J'ai l'impression qu'il est bloqué. C'est une mise à jour Windows, ce mec. Il est bloqué à la moitié depuis 10 ans. C'est une mise à jour Windows. Et t'as plus une sorte de voyez pas sortir. Ouais, mais c'est bien. C'est une mise à jour. Ah bah heureusement que c'est bien. Tant estimé infini. Ah putain, le con. Et d'ailleurs, Oda qui a annoncé qu'il y aurait bientôt le grand méchant, le plus grand méchant que rencontreront. Le plus grand méchant de tous les méchants. Ouais. Le boss final. Ouais, non, c'est pas le boss final en plus. Non, c'est ça qui est bizarre. Que tout ce qui a été fait avant, même donc l'arc avec le combat contre les capitaines, c'était du pipi de chat. Voilà, bien. Voilà. Marineford, il a dit que c'était du pipi de chat à côté de ce qu'elle est arrivée. Ouais. Ah. Il a dit que ce qu'il prépare, c'est ça va tous nous retourner le cerveau. Voilà, voilà. On n'en sait pas plus. Bah, moi, je suis curieux de voir, parce que pour l'instant, avec moi, il a toujours réussi. Donc. Et c'est l'auteur aussi de My Hero Academia qui a dit qu'il bossait, qu'il réfléchissait déjà au combat final de la série. Oui, le bah, oui. Il a dit qu'il savait déjà comment ça allait se finir et tout. Mais du coup, voilà, la grande question, c'est combien de tomes, du coup. Bon, ça va finir en 30 tomes, maximum. Ah, alors que pourtant, ça a du potentiel pour être super long, My Hero, quoi. Bah, ouais, mais tant mieux, c'est-à-dire que c'est un auteur intelligent. C'est qu'il sait s'arrêter quand c'est bien et qu'il ne tire pas trop sur la corde. Bah, je suis d'accord, mais avec, ce que je veux dire, c'est qu'avec un univers de super-héros. Bah oui, Naruto. Ce que je veux dire, c'est qu'avec un. Mais voilà, dans Naruto, tu peux pas faire des Bleach ninjas tout le temps, alors que là, t'es dans un univers de super-héros, des super-vilains, tu peux en créer facilement. Ouais, mais regarde, il y a une série annexe, par exemple. Ah, oh, mais c'est pas lui qui l'a fait. Oui, mais ça se trouve, elle va durer super longtemps, elle aussi. Ouais, en général, c'est quand même rare hein, que les séries annexes durent plus longtemps c'est que les c'est séries. C'est plus principales. Chaud, mais c'est vrai que là, c'est comme si, par mais exemple, des Marvel, il y en avait eu qu'une trentaine, quoi. Tu te dirais, mais les gars, faites quelque chose, là, il y a moyen de faire quelque chose. Bon, après, on verra bien, ça se trouve, il va changer d'avis. Possible. Après, pour l'instant. 11e tome, c'est toujours aussi bien. Donc, ouais. Voilà, pour l'instant, c'est toujours aussi bien. Bah, c'est même meilleur encore. C'est de la bombe. J'ai pas encore commencé, moi. Ah, il met une claque, le 11e tome. Ah ouais, carrément. Ouais, lisez ça aussi. Bah, ça me tente bien, mais il y a trop de séries qui me tentent bien. Je pense qu'on en parlera dans le podcast du mois prochain, le podcast recommandation. Le podcast du mois prochain qui sortira en mars. Voilà. 2019. Est-ce que peut reprendre la liste, du coup? Eh ben, on va... Quoi? Oui, non, c'était nul. J'ai même pas compris. T'as dit France liste. Bon, alors, ensuite. Alors, du coup, on passe à. Il y a écrit quoi? Pendre Issam? Non, c'est pas ça, non, d'accord. Mettre du sel sur ses paupières. Monster Musume, c'est ça? Oh non. Non, il est en 6ème. Oh, il s'échauffe encore un peu. Il est en 6ème et nous en sommes au 3ème, comme ça vous serez quand. Teasing, on en parlera. Teasing. Nous allons parler maintenant de Adam et Ève, qu'on est trois à avoir lu autour de cette table. Issam, Alex et moi. Adam et Ève, édité par Kaze. Alors c'est un Yakuza. Hideo Yamamoto et au dessin Ryoichi Ikegami. Donc deux grands auteurs du manga. C'est un Yakuza qui boit du whisky par le nez. Et qui se shoot en cramant des cheveux. Voilà, et il est content parce que ça sent bon pour lui. Voilà, c'est ça. Alors que ça pue. Au revoir. Allez, salut. C'est bon. Non, alors franchement, on a tous des avis différents autour de la table. C'est-à-dire, moi j'ai adoré. Issam, t'as pas aimé? Non. Je sais pas quoi en penser. Et toi, bah, tu sais pas quoi en penser. Mais moi, je l'ai pas lu. Ouais. Voilà. Comme quoi, on a vraiment tous des avis différents. C'est un autre. Je pense que le seul truc sur lequel on sera tous les trois d'accord, c'est que c'est très très beau. Oui, c'est classe. Ouais, je vais le passer. Ah, j'ai. Tu vois, moi-même graphiquement, j'ai des reproches à faire. Ah ouais. Ah, je l'ai pas lu parce qu'à un moment, il y a une odeur qui est décrite et il y a pas l'odorama. Et c'est dégoûté. En fait. C'est très bien exécuté graphiquement, mais je suis pas fan du style graphique. Et surtout, je trouve ça très figé, ce qui m'a beaucoup embêté, étant donné que... Alors, pour l'histoire, rapidement, il y a une réunion de grands pontes Yakuza, dont chacun est spécialisé dans un des cinq sens. Chacun a un de ces cinq sens hyper développé. Et à cette réunion, il y a deux êtres invisibles. Invisibles qui arrivent et qui commencent à tuer tout le monde. Et pour moi, le souci du du graphisme très figé, c'est que, bah, du coup, les deux êtres invisibles qui sont censés être symbolisés soit par des chaussures, soit par des gants, enfin des trucs comme ça, bah, du coup, j'ai l'impression que c'est juste une paire de pompes posées par terre. Ouais, mais justement, c'est pas le fait qu'ils soient invisibles que ça donne, enfin, qui donne la sensation que c'est figé. Non, parce qu'on voit pas les choses se passer. Les autres personnages, je les trouve super figés aussi. Oui. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a pas tellement de détails de mouvement. Bah c'est oui, ça, parce qu'ils passent la majeure partie du temps à les débusquer avant de faire quelque chose. Oui. Et même quand il y a une action, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un de mes gros soucis avec ça, je ne comprends pas. Là, par exemple, ouais, il n'y a pas le mouvement de départ. Là, si tu fais pas gaffe, t'as l'impression qu'il vole le mec, alors qu'en fait, non, il a fait une esquive. Ouais, je suis d'accord, je vois ce que vous voulez dire. C'est en fait, moi, ce qui m'a fait que j'ai jamais réussi à rentrer dedans, c'est déjà que je trouve le personnage très, très antipathique, très cliché. Ça en fait 3 tonnes. C'est vulgaire, c'est. C'est vrai que le personnage principal, tu sais pas si tu dois t'y attacher ou le détester. Par moments, tu le trouves intéressant, t'as envie de t'intéresser à lui, et puis la seconde d'après, bah, il crame des cheveux, quoi. Gratuitement, juste pour les sniffer. On croirait un mec qui a vu des films de Kitano et qui essaie de retrouver la même ambiance de avec des Yakuza un peu vulgaires. De Kitano ou de Tarantino aussi. C'est ça. Un peu grosse influence. Qui arrive pas, c'est très gamin limite dans le caractère des personnages. Alors de Kitano, de quel. Moi je pense que c'est voulu pour le coup. D'accord. Ouais. Je pense que vraiment que c'est voulu. C'est vachement bien. Parce que j'ai vu les films où il était acteur, j'ai pas vu. pas vu autre chose en fait. C'est, bah, ces films de Yakuza sont super bien. Bah, va voir Outrage. Okay. Ouais, c'est ça, par voilà. exemple. C'est très très bien. Moi, je pense que c'est un espèce de délire qui se sont fait. Les mais moi, je pense que c'est voulu le côté sale gosse et tout. Je pense que c'est voulu pour être un gros défouloir. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Ouais, moi aussi. Ouais. Et vraiment, j'ai adoré pour ça. Mais la fin, par contre, m'a déplu parce qu'elle n'a aucun sens. À la fin, oui, la fin est très bizarre. Franchement, c'est. Non, c'est probablement volontaire. Je trouve juste que c'est pas intéressant. Du coup. Oui, voilà, c'est du coup, toi, ça t'a pas fait rentrer dedans, quoi. Bah, et puis surtout, enfin, qu'est-ce qu'ils veulent, les personnages principaux ? Parce qu'objectivement, ils sont invisibles, ils sont super forts, ils mettent deux tomes à tuer tout le monde. Enfin, en réalité, ils mettent deux tomes à attendre un quart d'heure entre chaque meurtre. Mais ce qu'ils font que répondre, au final. Ils mettent une pichenette, ils tuent les personnes. Je pense qu'on pourquoi peut... ils attendent c'est... On peut affirmer que c'est pas pour enfants. Non. Oui, non, voilà, clairement pas. C'est-à-dire que, bon, il y a vraiment, c'est complètement explicite ce qui se passe dedans quand quelqu'un se fait buter et le langage n'est pas édulcoré. Voilà. Ouais. Il aurait pu être plus violent, je pense, encore. Mais... Disons qu'un enfant de 12 ans qui tombe sur ça, il risque d'avoir des surprises quand même, quoi. Selon comment il est préparé psychologiquement. Oui. Oui. Puis il y a 2-3, même au niveau sexuel, il y a 2-3 trucs. Bon, non, clairement. Oui, bon, là par contre, je suis d'accord. Il y a des passages qui touchent à la sexualité qui sont un petit peu. Abusés. Ah oui, quand je disais langage explicite, c'est explicite. Hein, c'est... Le passage du brisage de doigts avec son. Ouais. Passage-là, et ouais, est-ce que c'était vraiment nécessaire ce passage-là? Je ne sais pas, on t'expliquera plus tard. Il y a aussi le drap. Pas ce passage-là qui n'était pas nécessaire. Mais pour toi, rien n'était nécessaire, on a compris, salaud. Moi, tu m'as fait lire le passage avec l'odorat, avec le fait qu'il détecte l'odeur féminine. Ça, à la limite, c'est rigolo. Bah, c'est les phéromones qui détectent en plus. C'est ça. Il détecte pas les phéromones. Il y a un autre manga qu'on a lu qui a lu beaucoup de choses. Non, mais après, il est à fond. Non. Donc voilà. Moi, je sais pas trop quoi en dire. Je le recommanderais en fait, pas, mais t'as ni aimé ni détesté. Je recommanderais pas, mais je dirais pas que c'est une bouse, quoi. C'est un ovni. Ça, je pense que même Issam est d'accord pour dire que c'est un ovni. J'ai 4 avis 5 étoiles sur Amazon. Ah, dont un d'un certain bon fan de coach, de c'est coach. Ça. Adam et Ève. Un véritable coup de cœur. Un chef-d'œuvre absolu. Arrêtez. Non, voilà, je recommande pas, moi. Bah, moi, je recommande. Ouais, mais toi, voilà, démerdez-vous avec ça maintenant. Mais non, mais pour de vrai. Toi, tu es capitaliste, tu veux vendre tes mangas? Bah, non. Bon, allez, tranche, donne un avis, même si tu l'as pas lu. Il faut que tu départages l'écran. Fais comme les vrais critiques. C'est très cool, mais relativement décevant. Boum ! Voilà. Ça vous va ? Écoutez-le. Non ! C'est un vrai critique, il a pas lu ce dont il parle. Exactement. Oh putain de merde. C'est comme bon. Ça que ça fonctionne. Hein. Vous êtes fou. Est-ce que vous savez que vous êtes fou ? Ouais. Autour de cette table, est-ce que vous savez que vous êtes fou ? Oh, oui. Oh. Bon, passons à la suite du programme. Nous en étions donc à Adam et Ève. Il est l'heure maintenant de parler comics. Et ça va être Issam et moi. Du coup, ça va être assez rapide. Parce qu'on va parler de Love is Love. Après tout cet amour de violence, on va parler un petit peu d'amour. Love is Love, ouvrage fait en hommage aux victimes de l'attentat d'Orlando. Donc qui a touché... Orlando, on parle de la ville d'Orlando, hein, pas du frère de David. Oh putain. Moi, je pensais à Orlando Bloom. Mais du coup, ça s'est passé il y a 2 ans. Ou un an. Non, deux. Et un... C'était l'année dernière. C'était il y a un an au moment de la sortie du truc. Ça doit faire un an et demi. Voilà. Un an et demi, quelque chose comme ça. C'est ça, mais l'édition US date de. L'année dernière. De plusieurs mois déjà, ouais. Si même, peut-être même d'un an, ouais. Donc, hommage à cet attentat qui a touché une boîte gay. Plein d'auteurs se sont rassemblés du coup pour un seul bouquin. C'est un petit melting pot d'auteurs de chez IDW et de chez DC Comics. Voilà, on a du Marguerite Sauvage, du Vincent Dedienne, du Julien Marot, du Philippe Brion. Vincent Dedienne ? Du Phil Jimenez, ouais, il est dedans, ouais. Du Steve Orlando, du Gail Simone, du Scott Snyder, du Job, du Jim Lee. On a pas mal de monde. Le comédien, là ? Non. De l'herbe ? Alors surtout, vous dites si je vous emmerde. Mais non, Vincent Dedienne, le comédien. Pas celui qui fait des pièces de théâtre là. Guillaume Gallienne. Mais non, il y a Vincent Dedienne aussi, je t'assure. Ah bon, ça me dit rien, mais. Non, peut-être. Bah ça doit être un autre alors. Bah, un homonyme. Il est peut-être multitâche. Bref. C'est bon. Tu peux reprendre. C'est bon, hein. Bon, bande de petits cons. Bah j'ai rien dit. Bah, justement, tu leur as pas dit de se taire. Je voulais revenir sur la théorie de la lune qui est plate. Voilà. Oh, putain. Bah, moi, je pense qu'elle est ovale. Peut-être bien. On l'a pas mesuré, hein. Vogel. Donc, plusieurs auteurs qui se sont unis pour faire un ouvrage anthologique. C'est une histoire, une page, voire des fois il y en a quelques-unes qui durent 2-3 pages, il y en a des un petit peu plus longues, des fois il n'y a même pas de, comment dire, des fois ça va être des petits bouts de BD sans texte, des fois ça va même être sans dessin, des fois c'est que des textes. Moi j'ai vu il y a des pages d'infos aussi, non ? C'est des textes. Ah pardon. Un truc qui m'a fait sourire. Comme ça. Genre notamment celle de Snyder, c'est que du texte. Ouais. Putain, il y a celle, celle que t'as bien aimée. Il y a du Snyder. Il y a du Snyder. Il y a un truc qui m'a fait sourire. Du Bendis aussi. Scott Pazak. Ah fou, il y a un truc qui m'a fait sourire quand même. C'était Batman, mais en version toutes les Batman dans toutes les couleurs. Voilà. Voilà. Oui, ça c'est. Ah, stylé. Et donc cette planche-là est faite par Mitch Gerard et Tom King. Donc Tom King, à mon avis, pour l'aspect scénaristique. Ah, c'est pas l'équipe de Batman et Robin qui s'en est occupée de cette planche? Oh là là là. Que dire? Mis à part que bah, c'est très émouvant. Ouais, c'est très forcément émouvant. Quand on a la tuerie en tête, ça l'est d'autant plus. C'est plutôt bien fait. C'est pas des mauvais auteurs qui ont été bah, qu'on a appelé, enfin qu'on a appelé ou qui sont venus d'eux-mêmes. Je sais pas trop comment ça s'est fait pour le coup. Bah il y en a des banals, mais il y en a des très bien. Donc ouais, ouais. Globalement c'est cool. Bah, bah voilà, disons que la nullité n'est jamais là quoi. Ouais. Clairement il y a quand même un niveau qui est quand même assez constant. C'est ça vaut vraiment le coup. Bah, tous les bénéfices sont reversés à SOS Homophobie. Ça aussi, il faut le savoir. Ouais, c'est aussi ça. Non, et puis, ce qui est bien, c'est voilà. Que c'est pas un projet de Yes Man. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne peut pas être des Yes Man, vu que c'est... là, c'est, voilà, c'est ta carte blanche, tu fais ce que tu veux. Donc, c'est justement, ça. C'est là que c'est plus intéressant. Voilà, c'est un... après, c'est dur de donner un avis vraiment sur une anthologie parce que bah, chaque histoire est différente. Oui, ouais. Voilà, et puis même pour le contexte et pour le propos, voilà, quoi, c'est compliqué d'en parler vraiment. C'est une œuvre contextuelle, donc là, c'est délicat. Mais ouais, disons que franchement, ça coûte que 15 balles. Tout est reversé à SOS Homophobie. Il faut y aller, quoi. C'est pas tous les jours qu'on a des ouvrages comme ça qui sont bien faits en plus. Ouais. Qui essaye pas de surfer sur un événement dramatique pour faire un simili-buzz comme Nécro vient de le dire. Donc ouais, ça serait con de passer à côté, surtout que ça vaut vraiment le coup. Au en pire, plus, vous faites un don directement. En plus, dedans, il y a Superman avec, une cape avec un drapeau arc-en-ciel. De toute beauté. Ah, mais il est vraiment beau, en plus. Ouais. Il est bien fait, je trouve. Ah ouais, il est classe. Hein. Non, mais oui, recommandation là-dessus, c'est chouette, et puis c'est pour une bonne cause. C'est ça. Pendant que nos deux collègues admirent le bouquin. Il est en train de mater le torse de Nightwing. Ah. Il aime bien les muscles saillants. Nightwing dedans. Bah, il y a pas mal de héros DC hein, qui apparaissent. DC d'ailleurs. Bam bam bam bam. C'est bien, ce soir on est en forme. Ouais. N'est-ce pas ? Alors. On enchaîne ? Maintenant, de quoi vas-tu nous parler ? De quoi je vais vous parler, de quoi on va parler. Parce qu'on va passer à... On va retourner sur le manga, on va parler de Frofaust. Enfin, Frofaust. Donc c'est une série par l'auteur de Ancient Magus Bride. C'est-à-dire une série écrite et dessinée par Kore Yamazaki. Alors, ça remonte un peu la lecture, mais en gros, c'est un jeune homme qui rencontre une femme un peu mystérieuse, qui a visiblement passé un pacte avec des créatures démoniaques. Et en fait, il va se rendre compte que cette femme, c'est Faust. Alors Faust, bah, tel qu'on connaît le mythe de Faust, hein, c'est une femme qui a passé un pacte avec le diable pour garder sa jeunesse. Sauf que là, voilà, au lieu d'être un homme, c'est une femme. Ça y est, je me souviens de ta tête. Et il va commencer à la suivre et il va se rendre compte que cette femme, alors qu'elle a la réputation, d'après la légende, d'être démoniaque, d'être mauvaise, d'être la personne à éviter absolument, en réalité, elle fait le bien autour d'elle, elle essaie de protéger un village, notamment, où elle ramène plein de gamins abandonnés, enfin, plein de gens abandonnés. Pour les manger. Et il va commencer à se questionner justement sur qu'est-ce qui est vrai au fond dans cette légende et pourquoi elle a passé ce pacte avec le démon. Et c'est un podcast, ça fait deux fois déjà qu'on a un truc comme ça où t'as des histoires de morale qui ont l'air un peu bafouées, un peu inversées, un peu... Oui. Parce qu'il y avait le truc avec les anges aussi où on avait vu une démon qui avait l'air super sympa et les anges qui étaient pétés du casque. Garden, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu la même idée ici. Mm. Bah, moi je trouve ça, sans être le manga de l'année, hein, loin de là, je trouve ça plutôt sympa, Frofaust. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord. Alors, moi, j'avais des soucis de mémoire pour m'en rappeler. J'avais trouvé ça plutôt cool, mais je me suis chié quand même. C'est con, hein. Moi, je me suis chié totalement. Voilà. Ouais, après, on parle de quelqu'un qui a aimé Adam et Eve. Frofaust. Ah la vache, espèce de petit salopard. Frofaust, c'est très joli, voilà. Ouais, c'est tout ce que j'aurais à dire. Ah, c'est joli. Non, l'histoire est cool. C'est pas. Je pense que ça va devenir plus rythmé par la suite. Bah, il y a intérêt vu que c'est que sur 5 tomes. Bah, en même temps, je pense pas qu'il y ait besoin de beaucoup plus. Bah, ça, on verra. C'est, à mon avis, c'est un truc. Un arc, ça suffit. Hein, c'est... Faust 2. On a là, donc, Frofaust. Bah, moi, j'ai pas lu. Enfin, J'ai pas fini. J'ai dû lire les deux premiers chapitres, les trois peut-être, et voilà, j'ai fermé le bouquin. Parce que ah, donc, là, c'est celui-là que t'as. Ah, bah, non, c'est le deuxième en fait. Le deuxième. Non, c'est sympa, voilà. J'avoue c'est une petite lecture sympa. J'ai zappé la fin aussi. Je me suis suis bon, c'est bon. De toute façon, on va pas faire un. Voilà, je me dis, on va pas faire de description complète du truc, j'accroche pas. T'as même pas. T'es pas allé jusqu'à la fin pour voir s'il y avait un twist ou. Bah, vu que c'était le tome 1, je me suis dit que c'était pas un one shot et que donc. Oui, non, je. Non, non tu t'en fous. De toute façon, on n'allait pas parler du twist, quoi. Oui, mais non, mais je veux dire, par curiosité. Je suis d'accord que le rythme est posé, mais j'ai pas trouvé ça dérangeant, j'ai pas trouvé ça mal géré. Tandis que c'est vrai que dans Tanya the Evil, c'était un peu mal géré. Ah, non, c'était plutôt mal géré. Ouais, bah, c'était très lent, là, c'est lent, mais ça marche. Ah bah, pas pour moi. C'était tout pété. Le rythme était tout pété. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Frofost, c'était beau, et voilà. Et c'était bien. Bon, l'achetez pas, c'est bon. Si. Moi, je vous fais... C'est une série courte, vous engagez. C'est mon ressenti en tant qu'auditeur, là. Mais après, je suis d'accord, faut attendre de voir comment ça se développe par la suite. Mais en tout cas, le premier tome, bah, ça, le second, ça sera sans moi, quoi. Quoi qu'il en soit. Après, oui, l'univers est cool, le point de départ est cool aussi. Revisiter un petit peu le mythe de Frost, comme ça, ouais, c'est sympa. Après, ouais, non, j'ai trouvé le rythme beaucoup trop ennuyeux, beaucoup trop lent. Next. Cette émission va vraiment être rapide. Bon, enchaînons, enchaînons. C'était une bonne émission, ça, Next. C'était bien. Oh, putain. Je croyais que c'était moi qui faisais les jeux de mots pourris d'habitude. C'est pas un jeu de mots, il y a vraiment une émission comme ça, c'était nul à hier. Je sais pas ce que c'était, mais je sais que ça existait. Un bus, bref. Voilà. Je sais pas si on en parle. C'était des connards qui défilaient devant des gonzesses et rentraient dans le bus et la gonzesse disait next. Et je passais au mec suivant. Mais ça, c'était pour les deux. Donc en fait, elle disait next jusqu'à ce que ça lui plaise. Voilà, ça. Voilà. Ouais. Donc très souvent au début on envoyait les gros parce que lol ils sont gros, c'est rigolo, next, ouais. Voilà. Ouais. Et voilà. Mais, non, mais ce qui ça était marrant, c'était les descriptions des gars quoi, ou des meufs quoi, c'était rigolo. Ça aurait été marrant qu'il y ait une nana qui leur fasse le coup de sortir avec le premier et qui dise non je veux pas voir les autres, c'est celui-là, aïe hop. L'émission elle dure deux minutes. Ça aurait été marrant, mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Bon, passons à la suite. On va quitter un petit peu le manga. On va parler Batman. On va parler Batman français. On va parler du Batman de Marini, de Dark Prince Charming. J'en ai plus, j'ai tout vendu. Ça sert à rien de te lever pour essayer de le chercher. Bâtard. On est trois à l'avoir lu autour de cette table. C'est-à-dire Necro, Alex et moi. Qui veut commencer? Qui veut nous faire un petit pitch de Dark Knight Charming? Alors, là, c'est le scénar que je vais avoir du mal parce que je me rappelle plus trop du scénar, bah, je me souviens pas... qu'il y a le Joker dans le. Alors, dans c'est l'histoire d'un enfant qui est fils de milliardaire, il s'appelle Bruce Wayne, et puis un jour il y a ses parents qui se font tuer. Alors, du coup, il décide de devenir zoophile et il commence à se taper des chauves-souris. Il a des vies encore une fois. Quitte à me taper des chauves-souris, je vais m'en inspirer un peu pour sauver le monde. Tiens, fais un câlin. Tu vois là, tu as un point chaton. Bah non, mais le scénar, il est complètement basique. C'est toujours la petite guéguerre entre le Joker et le Batman. Voilà, mais je me souviens plus quel est le point de départ, en fait. C'est le kidnapping d'une petite fille qui a un lien, il semblerait, avec Batman. Oui, parce qu'il y a, voilà. Y a un journaliste qui fait sortir l'info comme quoi cette gamine serait sa fille. Voilà. Serait sa fille, et donc c'est le Joker se dit « Ah, ce serait la fille de Bruce Wayne, je vais la kidnapper !» Voilà, c'est ça. Et voilà. Très bon Joker. Oui, qui est une sorte de fusion de plusieurs Jokers qui ont été faits. Il y a même la team des petits... Ah oui, visuellement, c'est super cool. J'ai aimé les interactions avec ces hommes de main. Il y en a beaucoup d'interactions avec ces hommes de main. C'est un truc qu'on voit pas tellement dans les Batman normalement. T'as juste le Joker et les autres sont en arrière-plan. On s'en fout quoi. Bah, typiquement, le délire autour des hommes de main, ça fait beaucoup penser à ce que la série animée faisait en fait. La série animée de France 3, qui passait sur France 3, parce que c'est pas France 3 qui a fait cette série animée. Hein. On n'est pas des ouf. C'est une fusion entre ça et la façon de se comporter de Ledger. Ouais. N'hésitez pas à faire que ces hommes de main soient flingués parce que ça l'arrangeait. Mais ce que je veux dire, c'est que les hommes de main sont déguisés à l'image de la personne. Oui. Tu vois, par exemple, dans le dessin animé, les hommes du pingouin, ils étaient tous cosplayés en pingouin, limite, quoi. Voilà. Tu vois, et ça, tu le voyais que dans cet animé-là. Dans les comics, tu les vois pas cosplayés en pingouin. À la limite, si, peut-être, les hommes de main du Joker, souvent, ils ont des nez de clown et des trucs comme ça. Et là, ouais, il y a cet aspect-là dans la BD qui est plutôt cool. Moi, ce que j'aurais à reprocher, c'est que visuellement, c'est chouette, mais scénaristiquement, c'est super plat. Et je sais pas, t'es un auteur étranger, il y a DC Comics qui est d'accord pour que tu fasses un truc. Déjà, c'est super rare, parce que en général, les scénaristes, que ce soit chez Marvel ou chez DC, les scénaristes, c'est des américano-américains, quoi. Tu vois, les gars, ils restent chez eux, quoi. Très souvent, les seuls étrangers qu'il y a, c'est que pour le dessin. Les scénaristes, c'est très souvent des américains, et il n'y a que ça. Et là, du coup, on te laisse carte blanche. Fais une vraie carte blanche, lâche-toi, fais pas un truc bateau, qu'on a déjà lu 10 millions de fois. C'est abusé. Et ça donne vraiment l'impression qu'il n'y a eu aucune prise de risque au niveau scénar. Au niveau des personnages, c'est cool. Au niveau scénar, bon. Par contre, esthétiquement, c'est vraiment bien. C'est maîtrisé. Ça, je l'ai feuilleté, c'est vrai qu'il est magnifique. Ouais, c'est super beau, mais c'est tout ce qu'on peut en dire de très positif. ça et le Joker. Voilà. Arthur, on peut quand même indiquer que ça sera en deux tomes. Au moins, c'est pas un investissement de ouf. Que Harley Quinn n'est pas calquée sur la version Suicide Squad. Oh mince, elle était bien pourtant. Et qu'elle est habillée comme un bonbon parce que c'est son anniversaire. Comme un bonbon. Ah oui, non, il y a une meringue à la crème. C'est un truc, ça n'existe pas. Ouais, mais c'est toujours la Harley Quinn con-con, là. Mais toi, quand elle est à côté du Joker... Quoi, je déteste quand elle est dans cette version-là. Ah, quand elle est à côté du Joker, de toute façon, elle est comme ça. Hein. Bah, non, pas dans tous les comics. La Harley Quinn, de base, est pas... Enfin, celle du dessin animé, oui, elle est pas... elle brille pas par sa finesse. Ouais, mais tu vois, par exemple, White Knight, ah, oui. Elle est pas con, c'est oui. bien. Mais c'est Sean Murphy. Ouais. C'est pas pareil. Voilà. C'est un putain d'auteur. Par contre, voilà. Vivement 2018 que White Knight sorte en France, quoi. Harley Quinn, elle brille en intelligence et d'un seul coup, quand elle reprend son rôle de Quinzel, oui. où là, d'un seul coup, elle est capable de virer de la nana trop gâtée qui est un peu con-con à vraiment professeur qui a étudié toute la ouais. psychologie mmh. et tout. Et, c'est quand même son rôle d'Arlequin qu'elle est fofolle. Voilà. C'est ça. En même temps, elle n'est pas toute seule dans sa tête. Hein. Les mangas, enfin, les comics l'ont dit, hein, elle, est pas... elle a plusieurs voix. Hein. D'ailleurs, DC qui a ressorti les origines de Harley Quinn, là, ce mois-ci, en format souple. Alors, quelles origines? Bah, c'est à la sauce Batman Adventure, en fait. Mad Love? Ouais, Mad Love. Urban, tu veux dire? Urban, oui. Mais c'est pas en soupe, par contre, c'est en dur. Mais non, c'est du soupe, c'est pas du dur. Hein. Bah non, c'est du dur. Ok, il y a deux versions. On a vraiment ce débat. Bah, tu l'as ou pas? Je l'ai plus, il est parti, il est vendu avec le DVD du film. Oui, oui, il y a le DVD, ouais. Mais il me semblait que c'était en soupe. Il est en dur. Ok, bon, bah, c'est... on aime bien quand c'est dur, alors. Sondage sur le Twitter de l'émission. C'est souple ou c'est dur? Est-ce que vous préférez quand c'est du carton souple ou du carton dur? Dites-le. Mais par contre, on peut conseiller aux gens dites-le de. Sur Twitter, oui, oui, de choper Mad Love. Ah ouais, moi je le conseille. Parce c'est que cool. le bouquin est bien, visuellement c'est chouette, scénaristiquement c'est chouette. C'est il y a rigolo. Le DVD du film avec et ça coûte que 20 balles. Et j'en crache mes. C'est dégueulasse. J'en crache des morceaux de bouffe. Voilà. Comme ça, Mad Love. Avec le point, le pouce en l'air. Bon, tout ça pour dire que Dark Charming, c'est... Bah, éventuellement, moyen, ça peut être une porte d'entrée au pur lecteur franco-belge qui, pourquoi pas, voudrait essayer un petit peu l'histoire de super-héros. Bah, ça pourrait être une porte d'entrée... J'y crois moyen, ça. Bah, ça pourrait. Là, où ça pourrait être une porte d'entrée, une réelle porte d'entrée, c'est effectivement qu'il y ait des auteurs français qui commencent vraiment à faire des histoires Batman après. Oui, le fait qu'il n'y ait pas eu de prise de risque au début peut justement être une façon de dire voilà, maintenant vous pouvez me faire confiance. Voilà, j'ai pas détruit l'œuvre. Ouais. Est-ce que maintenant je peux faire quelque chose? Enfin, pas ouais. n'importe quel auteur français parce que Covin qui fait du Batman. Bah, moi je veux voir. Oh là là. Ça peut être marrant. Covin, on parle de celui qui a réussi à faire des Spirou chiants. Moi je veux voir Philippe Geluck sur Batman. Il dessine aussi bien les chauves-souris que les chats. On verrait Batman, mais toujours presse. C'est ça. Avec un certain embonpoint. Avec un canon à la main et en train de parler au bar. Dis donc, Robin. On va voir la gueule de bois. Robin, on va se faire les mollets. Ah là là, ce doublage 2000 des enfers. Donc, le Batman de Marini, sans dire que c'est de la merde, parce que c'est pas de la merde non plus. C'est pas marquant. Quoi. C'est pas marquant, mais de là à le déconseiller, non. Voilà, quand même pas. C'est une chouette lecture qui pète pas trois pattes. Moi, je pense que ça fait un joli cadeau pour quelqu'un qui connaît pas trop. Et puis, c'est. Qui a vu les films, je sais pas. Bon. Et puis, ça présente bien dans la bibliothèque. Hein. Bah, c'est, oui, et pour ceux qui. C'est la classe. Pour ceux pour qui le graphisme est plus important que le scénario, du coup. Oui, c'est voilà. Bien, oui, voilà. Voilà. Ouais. Les plans, les plans zénithaux, c'est ça qu'on dit? Oui. Bah, les plans zénithaux sont magnifique. Ouais. De la ville, t'as Batman comme on, voilà, comme on aimerait le voir tout le temps. Ouais, il y a beaucoup de détails sur Gotham City. Gotham City. Mmh. Alors, sa Catwoman est très sexy. Ouais, bah ça en même temps. Bah, c'est Catwoman, tu me diras, oui, d'accord. T'es obligé de la faire sexy si tu veux que ça te plaise, quoi, entre guillemets. Voilà. Comment tu dis ça avec un petit sourire en bah coin? Non, mais je veux dire, c'est comme ça, quoi. Et c'est comme ça. Tous les personnages féminins un peu emblématiques, ils les font sexy parce que sinon. Là, c'est vrai bah, qu'il en même temps, limite c'est vrai que tu imagines Roselyne Bachelot en Catwoman. Je me disais Catwoman. Et bah pourquoi pas Catwoman, mais avec les mensurations de Faith, ça. Bah, ah, ça marche moins bien déjà, je pense. Les sauts. Les sauts. Bah, l'immeuble en immeuble. Face. Mais non, ah, bah, à ce moment-là, c'est plus Catwoman là. Moi, mon chat, je préviens, c'est quelque chose qui bouffe. C'est, voilà, c'est une créature à poilu avec des griffes qui bouffe tout le temps. Hein, donc, ça reste dans le cadre. Hein. Bon, effectivement, mon chat n'arrive plus à sauter à hauteur de d'évier. Mais sinon, c'est. En même temps, toi, t'as le chat de putain de chat. Ouais. T'as un chat démoniaque qui veut ta mort tous les jours. Dit-il fièrement. Ouais. Ouais. Surtout quand on lui dit à bouffer, il sait nous tuer à chaque fois. L'achat Putain de chat qu'on conseille aussi. Hein. Ouais, qui est très drôle. Un petit ouvrage très sympa. 3 tomes. C'est très très bien. On conseille beaucoup de choses en dehors des ouvrages dont on parle ce soir. C'est le podcast recommandation. Ah, et je crois pas que c'est le prochain qui va améliorer les choses. Ah, ça y est, on est au 6ème. Nous en sommes au 6ème. Alors, donc, c'est... Alors moi, je m'étais préparé hein, pour le résumé. Attention. Merde, c'est un numéro 12, ça. Je m'en fous, je trouverai un truc à conseiller à la place de ça. Eh ben, Toriko. Alors, Toriko... Mais non, mais... Ah là là. Bon, il est maintenant grand temps d'aborder le fameux 6ème de la liste. Monster Musume. Écrit par Okayado. Un manga qui a fait grand bruit à sa sortie. Apparemment parce qu'il y a un anime, mais moi, je l'avais jamais lu. Oui, un anime de je sais plus combien, 13 épisodes, je crois, qui a été diffusé sur Crunchyroll à l'époque. Alors, ça se passe de nos jours, mais dans une réalité un peu alternative, un où peu. Des portails vers d'autres dimensions se sont ouverts, ce qui a permis de découvrir de nouvelles créatures. Alors, tout humanoïde, en fait, c'est tout un mélange entre un humain et soit un animal, soit une créature mythologique. Donc, on va avoir des centaures, on va avoir des harpies, on va avoir des femmes serpents, des trucs comme ça, des femmes blobs. Et du coup, il y a des sortes de... Non, des femmes slime. Oui, il y a des slime. Des femmes slime, pardon. Des Et du coup, il y a une sorte de programme Erasmus qui se met en place avec certaines de ces créatures qui viennent dans le monde des humains pour apprendre nos coutumes, pour étudier nos mœurs. Ça, c'est rigolo. C'est ça. Et il y a notamment un jeune homme, Kimihito, qui, par une suite de, par un concours de circonstances improbables, va se retrouver avec 3 créatures comme ça chez lui, donc une femme serpent, une centaure et une harpie. Et on va plus ou moins se servir de lui comme sujet d'expérience pour étudier un peu comment se passe la cohabitation entre humains et ces créatures, et notamment la cohabitation au niveau marital, ce que la femme fait avec son mari, et ce genre de choses. Est-ce que c'est un bon résumé ? C'est un bon résumé qui me convient, contrairement au bouquin en lui-même. Tu peux développer la fin, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Alors, ça se comprend dès la première page parce que, voilà, dès la Boobs. Première page en noir et blanc, on a du nichon avec du téton, enfin voilà. Pour public averti, voilà, c'est... Alors, on va parler des bons points. Le souci de ça, pour moi, c'est que tout n'est que prétexte à exposer le corps féminin. Les héroïnes à poil. Je voulais qu'on parle des bons points en premier, comme ça c'est fait. C'est très rapide. C'est relativement bien dessiné. Oui, oui. Voilà, c'est bon. On a fait c'est relativement bien dessiné et il y a quelques moments quand ça... C'est très rare, mais quand ça sombre pas dans le gag beauf et vulgos, il y a quelques moments où ça met en place enfin, des situations qui pourraient mener à un humour de situation assez sympa. Ouais, notamment... Mais à chaque fois, tout est ruiné par des grosses blagues très très beauf ou par des plans nichons totalement gratuits. Avec la fille Slime, par exemple, il y a un truc sympa, c'est le fait qu'à un moment, elle se balade dans la pièce et qu'elle se retrouve à englober tout ce qu'elle trouve. C'est fait que les gens sont là, ah, ma brosse à dents, mon truc, mon réveil, voilà, c'est... Tu retrouves tout le corps en transparence. Ouais. Bah, ou même le principe que la fille slime, si elle tombe à l'eau, elle se dilue, en fait. Oui. C'est plutôt sympa comme concept. Voilà, c'est intéressant. Donc il y a des fois des petites idées sympas, c'est la fille slime qui est intéressante. Mais ça dure jamais. Voilà, on a fini avec les bons points. Maintenant, pourquoi, autour de cette table, on n'a pas aimé Monster Musume? Parce qu'on va être clair hein, tout de suite. Hein, personne nichon ici, personne ici. Non, moi j'aime bien les nichons dans la vie. Hein, mais je crois qu'en fait, là, moi je vais être extrêmement sérieux. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, avant que tu le dises, franchement, j'avais vraiment envie d'en parler sérieusement, ce truc-là. C'est extrêmement malsain. On est d'accord. Pas malsain dans le sens où les actes sexuels sont exprimés. Tout ça, je m'en fous. Je suis bon public de hentai. Oui, et puis on n'est pas entre nous, on n'est pas pudique, on n'est pas... Voilà, je suis bon public de hentai. On n'est pas des sapnichons. D'ailleurs, là, on enregistre à poil. Hein. Voilà. Et non, moi, j'ai froid, là, j'ai quand même mis un slip. Là, c'est régressiste à mort. La femme est un objet sexuel. Et là, vous allez me dire, c'est pas des femmes, c'est des monstres. Non, c'est des monstres de représentation féminine qui sont vus comme des objets sexuels qui ne demandent que à satisfaire le héros. Attends, je vais lire. Ou à se satisfaire de lui. Et puis, très clairement, l'intrigue telle qu'elle se met en place, c'est chacune de... Enfin, ces 3 créatures, c'est une sorte de concours qui se met en place entre elles pour celle qui épousera le héros. Et ce concours est basé aux 3... Enfin, même en totalité, sur la taille de leur sein et sur leur capacité à le satisfaire sexuellement. Donc en gros, le message, c'est pour conquérir un homme, ben, ayez des gros boobs et coucher avec lui dès que possible. C'est ça. Sachant qu'il y en a une qui semble parfaitement mineure. Oui, c'est, on nous répète, d'ailleurs on nous rabâche toutes les 10 pages qu'elle, a, qu'elle est majeure, mais la harpie, elle voilà. fait 12-13 ans disons physiquement. Disons que quand on te le rabâche plusieurs fois, c'est que c'est inquiétant quand même, justement, son aspect. C'est que même, oui. dans, même l'auteur en est conscient que ça va oui, pas. C'est ça. Et... Oui, c'est ça. La défense Polanski quand on le rabâche comme ça. Alors, mais elle avait l'air majeure, c'est bon. C'est pas la défense Chewbacca, c'est la défense Polanski. C'est encore pire. Polanski revient souvent dans... dans ce podcast. Non, mais voilà, pareil, pour un exemple d'humour, enfin, de l'humour très beauf et très vulgose, la première apparition de la harpie, elle mange une glace, ouais. En fait, la glace du héros, et comme elle a jamais mangé de glace, elle sait pas comment ça se passe, du coup, elle la suce, et elle se retrouve alors, avec plein de glace blanche partout. C'est même pas qu'elle la suce, c'est que c'est le personnage qui lui rentre et la sort de la bouche. Voilà, c'est encore voilà. pire. Alors, elle suce la glace, et la façon dont elle tient avec ses ailes, parce qu'elle tient avec ses ailes ça forme repliées, les... oui, ça forme une bite. Hein. Et c'est là... ça. C'est comme si la glace avait pas une forme assez phallique, ouais. faut qu'on rajoute les deux couilles. Non, ouais, franchement, mon bon seigneur. Voilà, c'est typiquement le genre de passage qui me débecte, c'est ce passage-là où la nana, donc la femme serpent, est à poil sur le lit, en gros, elle demande au gars de la prendre, et typiquement le genre de phrase qui juste devrait être interdite, en fait, tout simplement. Je suis sans défense, tu vois, même si tu me fais mal, je ne ferai rien. Ouais. Voilà, le genre de phrase qui me débecte. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, des choses comme ça, et même la première scène, je veux dire, même la première scène, c'est, je veux dire... pour s'en débarrasser parce qu'elle lui casse les couilles, bah simplement il lui donne un orgasme. Ouais, voilà. Il lui touche le bout de la queue, donc ça la fait jouir, le bout de sa queue de serpent. Hein. Et je précise. Non, bah, et puis il y a un truc que je trouve toujours très représentatif pour se faire une idée de la qualité d'un. Enfin, de comment un truc envisage ses persos, c'est de regarder la première planche. La première planche du tome 2, on voit des seins, un ventre dénudé et des fesses. Voilà, c'est le premier truc qu'on voit de chacun des trois personnages féminins dans le tome 2. Ce qui est important, c'est leurs seins et leurs fesses. C'est leur corps. C'est ça. Voilà. Simplement. Et là, franchement, on passe pour... j'ai l'impression que pour ce qu'on dit, on va passer pour des réacs qui n'ont pas de recul, pas de second degré. Mais oui, c'est ce c'est ce qui va se passer, je te l'annonce. Mais comme tu disais, moi, mon avis, il n'est pas déterminé là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est un message à large public. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont acheté, beaucoup qui ont apprécié. Les notes sont excellentes. Bah, un message comme ça à diffuser, il y en a qui manquent de recul. Il y en a qui vont construire leur sexualité en disant ce genre de conneries. Et donc, ils vont construire leur identité sexuelle là-dessus. Sur un message toxique. Alors, sur un message toxique. Ouais. À la limite, je dirais que ça c'est un peu moins dérangeant que l'était Wonder Rabbit Girl. Et le mois dernier, parce que Wonder Rabbit Girl en plus... il n'y a pas d'aspect comédie. Ouais. Bah déjà, et il avait même pas le mérite d'assumer d'être dégueulasse. Mm. C'est, il cachait les tétons, donc il se prétendait pour un public encore plus large, Wonder Rabbit Girl. Tandis que là, au moins, c'est pour public mature, on peut espérer que les gens qui le liront ont un minimum de recul. Oui, parce que du coup, le Monster Musume... C'est très bien que ça ne sera pas le cas, malheureusement. Mais c'est dans la catégorie seinen de Ototo, ouais. Je ne sais pas si vous l'avez dit. Et donc oui... Le pire, c'est que j'ai cru, au moment où je l'ai emprunté pour le lire, j'ai cru que j'allais passer un moment fun. Oui, en me disant, ça va être pris au contre-pied, c'est pas possible autrement. Aujourd'hui, on pourrait plus faire un truc. Oui, tu pensais que ça allait être du second degré. Et surtout et quand non. tu vois les jaquettes, tu te fais une fausse idée sur le contenu au final. Bah oui, j'ai eu l'impression de lire les mêmes merdes que quand j'étais au collège. Et j'ai 37 ans. C'est-à-dire qu'on est revenu en arrière de ça. Ouais. Non, on n'est pas revenu en arrière, c'est qu'il y a certaines œuvres qui ont. Enfin, certaines mentalités qui n'ont pas bougé, tout simplement. Oui, c'est ça. Non, il y avait eu une évolution. Il y avait eu toutes les périodes femmes fortes, notamment avec. Qui ont été mises en place. On commence par exemple, Kate Sayles et Nikki Larson. Oui. Il y avait des femmes fortes qui étaient pas juste des love interest et puis imagine ça c'est au final c'est des exceptions dans la Nicky marée Larson City Hunter c'est justement l'exemple parfait du truc qui prend à contre-pied ce que fait ce machin là parce que City Hunter c'est un personnage principal qui voit toutes les femmes comme des objets sexuels mais qui passe son temps à s'en prendre plein la gueule à cause de ça et qui devient ridicule à cause de ça à longueur de BD et qui finit toujours tout seul avec toujours proche de lui la nana qui lui fout des dans la gueule à chaque fois qu'il dérive un peu. C'est ça. Mais pas... Alors, je prétends pas que City Hunter est une grande œuvre féministe, hein, faut pas déconner non plus. Oui, non. Mais ça, c'était largement plus évolué que ça. Quoi. Kate Sayles l'est plus. Hein. Ouais. Oui. Par exemple, la femme policière n'est pas vue comme une femme. Elle est vue comme un policier, comme les autres. On s'en fout. Quoi. Il y a deux, trois intrigues autour de sa vie romantique dans le manga. Hein. Ouais. Le manga est peut-être un peu moins progressiste qu'il a été animé. Mais à côté de ça, je veux dire, l'animé en lui-même, il n'y avait pas... J'avais pas ce problème de savoir, voilà, qu'est-ce qu'on va changer l'histoire parce que là c'est un homme, parce qu'il y a une femme. Non, le comportement, t'as l'impression que son texte était bâti comme si c'était un homme, quoi. C'est... En tout cas, on va pas comparer Monster Musume à... Bah non, parce que dans Monster Musume, clairement, ce qu'on nous dit, c'est que la femme est là que pour le plaisir masculin. Nicky Larson. Que... La femme n'est là que pour le plaisir masculin. Et qu'elle ne recherche que le plaisir et masculin. Et voilà, et c'est ça. C'est son aboutissement. C'est sa vie. C'est ça. C'est ça. Bah, c'est d'ailleurs, il n'y a qu'un personnage masculin dans le manga. C'est le héros, quoi. Bah oui, mais voilà, c'est une vie de servitude consentie. Ah bah, la, allez c'est vous surtout, faire foutre. C'est, la pire, c'est la centaure, à ce niveau-là. La centaure, elle est complètement dans le délire. Ah, c'est une la servante. Mise à l'homme, c'est une servante totale. Ouais. Voilà, c'est... Et puis la harpie, c'est je découvre ma sexualité avec l'homme parfait. Et puis la femme serpent, c'est voilà, je connais parfaitement ma sexualité et mes besoins, et je m'en fous, je le prends de force. Voilà. Voilà. C'est magnifique. Donc, clap, clap, clap. C'est nocif. Ah oui, c'est vraiment un propos totalement nocif et toxique. Ça va faire rentrer c'est typiquement le genre d'œuvre qui nique tous les combats qu'on peut mettre en place actuellement pour l'avancée du féminisme et tout ça. Et juste encore un point qu'on peut soulever, il n'y a aucun avertissement, il n'y a aucun déconseillé, il n'y a rien. Y a pas c'est marqué pour public averti. Ah oui, j'avais pas vu. Ouais. C'est tellement discret que... Mais c'est par discret, contre, mais c'est, voilà. C'est classé en seinen et non en hentai. C'est pas en hentai, après, c'est pas du hentai. De cul. Voilà. Et on n'aura pas de scène de cul avant longtemps, à mon avis. Il y a ce qu'on appelle le hentai soft. On est en plein dedans quand même. Ah oui, non, mais je suis d'accord que le but est clairement de faire fantasmer l'ado. La première scène, il y a un orgasme quand même avec une nana dont on voit les seins. Non, je veux dire... Oui, oui, on reste quand même dans le hentai soft, on est à fond dessus. Hein, c'est... Et puis il y a ce fameux passage où la femme serpent mue et quand il lui retire sa peau, ça la fait jouir. Ouais. Alors moi, personnellement, quand je prends un coup de soleil et que je mue de la peau et que je dois me la retirer, ouais, ça fait plutôt mal en fait, en vrai. Moi, j'aimerais bien connaître des gens que ce genre de scène soit a fait rire, soit a excité. Parce que effectivement, moi, un serpent qui mue, c'est pas un truc qui m'excite. Mm. Bah, déjà, de base, une femme serpent, ça m'excite pas, tu vois. Ça m'excite pas des masses, quoi. Ah. On n'est pas tous du bavaillon, on dirait. Non. Non, moi je m'en fous. Ah bah non, mais. Non, je sais pas, quand je ne voyais pas réagir, si je me suis dit. Si ça avait été un artiste particulièrement doué qui avait réussi à faire du vrai érotisme autour de ça, ça aurait pu être super intéressant. Ça fait travailler l'imaginaire. T'inquiète pas, dans les prochains tomes, il y aura une femme arachnide qui aime le sadomasochisme. Voilà. Ah, et puis il y a aussi une femme poisson, enfin une femme sirène. Une sirène, ouais. C'est un thon, c'est ça. Oh. Bienvenue dans les grosses têtes. En même temps, c'était la blague de Tex. Ouais. En même temps, après une lecture comme ça, qu'est-ce que tu veux faire, quoi. Mais pourtant, ouais, encore une fois, enfin. Moi, je ne comprends pas l'engouement autour de ce titre. Mm. Vraiment, je ne comprends pas. Parce que c'est pris à la rigolade et que ça devrait pas. Je pense que c'est ça. C'est vu comme un pur divertissement. Alors que non, on se dit qu'il n'y a pas de être. Message, alors que si. Enfin, en fait, ça devient du machisme banalisé. Mmh. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle d'un truc banalisé, c'est-à-dire qu'en fait, on le prend de façon tellement légère que finalement, ça le dédramatise, mais ça le rend normal. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on rend une situation normale en se disant, oh, c'est pas grave, quoi. C'est ça. Mais il y a aussi, on en parle très souvent avec Issam en dehors des podcasts, il y a aussi tous ces gens qui ne voyaient pas du tout le message pourri qu'il y a derrière. Il y a aussi des gens qui le prennent vraiment purement à la rigolade, on en connaît. Des gens pourtant bien sous tout rapport, hein, qui ont trouvé Monster Musume très drôle. Hein. Pareil, j'en ai croisé plein qui étaient convaincus que c'était cool. Et je disais, mais mec, je te connais, normalement, t'as un cerveau, t'as un esprit, t'as une logique, si, à la limite, t'es pas un comme truc ça. Ce qui m'a fait rire jaune, c'est que j'ai vu pas mal aussi, parce que j'ai regardé un peu les avis, et il y en a pas mal qui disent qu'il y a un message sur le racisme. Oui. Parce qu'effectivement, il y a deux scènes maximum sur les deux tomes. Où des personnages lambda dans la rue regardent d'un sale œil les femmes serpents et compagnie, en mode elles sont pas comme nous, elles sont bizarres, et donc voilà, il y en a qui voient un message contre le racisme. Oui, sauf que c'est qu'un prétexte. Dans ce cas-là, si vous voulez un truc contre le racisme, regardez X-Men, lisez X-Men. Ouais, voilà. Bah, et puis surtout, X-Men, là, c'est vraiment racisme. Juste un voilà, prétexte pour essayer de dire que l'œuvre a un message pro-raciste, oui, voilà. Mais ça, enfin, sur 400 pages des deux tomes, ça doit être 5 pages où il y a cette idée-là qui ressort. Et puis comme je le dis toujours, quand t'as un message, t'as pas besoin de te cacher derrière du cul pour l'affirmer, quoi. C'est ça. Là, c'est vraiment juste histoire de se donner bonne conscience. Mais je pense que pour revenir sur l'aspect banalisé, le fait est que ce soit pas des femmes, plutôt des monstres, c'est, ils s'en servent comme argument pour dire non, c'est juste pour rigoler, c'est de la blague. Mm-hmm. Ouais, alors que non. Que non, pas du tout, ça change rien du tout. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on t'a pas beaucoup entendu sur le sujet. Bah non, parce que vous avez tout Alex, dit au final. J'essaie de faire un truc qui se rapproche de ça et je finis que ça a l'air complètement dégueulasse et zoophile. Et donc. Justement, le fait que ce soit pas des humains ne change pas l'acte. C'est. Mmh. On s'en fout. Non, et puis voilà, encore une fois, si... Enfin, c'est pas qu'on est coincé, c'est pas qu'on supporte pas les mangas avec des scènes de cul. Encore le mois dernier, Alex nous a donné tout son amour pour nos Okana. Voilà, et là, c'était avec lequel j'étais d'accord. Et c'était quelque chose d'intelligent. Que j'ai commencé, et c'est super c'était chouette. C'était des choses intelligentes. Qu'il a... Voilà, les vos culs, on peut faire des trucs qui font réfléchir ou qui sont cool. On est plusieurs ici à aimer Bloody Lilin Kanger Chainsaw, qui aime bien aussi les habiller ses héroïnes. Voilà, alors plusieurs pour toi, ça veut dire deux. Bon, c'est vrai que c'est plusieurs, mais bon. Ah non, mais je pensais que Alex les lisait aussi. Non, je ne les ai pas lus non plus. Je compte les lire, mais pas encore. Je me suis arrêté deux fois dessus sur la couverture en me disant tiens, il se passe quelque chose. Et puis mais même je n'ai pas encore acheté. On peut aussi lire lisez L'école impudique de Go Nagai. Voilà, c'est considéré comme le tout premier ecchi de l'histoire du manga. Et ben voilà, ça c'est bien. Go Nagai, l'auteur de Goldorak, bah ouais, c'est lui le créateur du ecchi. Et L'école impudique, bah, c'est à mourir de rire. C'est vraiment super drôle. Chouette. C'est super bien. Édité par Black Box. Même Manara a eu quelques fulgurances au niveau de certains albums où, justement, on n'arrive pas sur quelque chose qui... même la personnage principale, je veux dire, même si c'est une couche, c'est pas non plus une pimbèche. Bah. Elle n'est pas complètement conne. C'est pas son but dans sa vie. Et puis, on s'en fout, quoi. Et puis, au moins, Manara, il se cache pas derrière un propos. C'est du porn, et puis c'est tout. C'est du porn, voilà, et les personnages sont construits quand même. Voilà, c'est ça. Ouais, bah, et puis, dans le manga style harem, c'est-à-dire un mec entouré de plein de nanas tout amoureuses de lui, il y a Lovina, où c'est ça, mais les personnages féminins ne sont pas définis juste par leur attirance pour le héros. D'ailleurs, il y a juste, dans Lovina, je veux dire, là ça va être un gros spoil, désolé, il y a juste une mise en couple, et elle est soft. Ouais, elle est super soft, tu vois la vie du quotidien. Tu te dis, mais limite ils se font chier. C'est, voilà. Ouais, ça, c'est vraiment soft, le pire qu'on puisse faire à la fois du ecchi et du harem. Ah mais ça c'est le pire qu'on puisse faire en manga tout court en fait pour moi. C'est ça, c'est vraiment catastrophique quoi. C'est gratuit. C'est nocif. Donc voilà, autant. Malheureusement non, c'était pas gratuit. Non mais je veux dire. Ça coûte 7,99€. Toutes les successions de situations un peu rocambolesques entre guillemets, c'est gratuit, il n'y a pas de logique. Enfin, on arrive toujours sur la fin où c'est super. Bah dès le début, de toute façon, on commence par une scène de plumard. Donc chaque situation a pour unique but de mettre sur un truc de cul à la fin. À la limite, le manga qui pourrait le plus s'en rapprocher, mais qui pour le coup est drôle, ça serait Prison School. C'est ce qui pourrait le plus s'en rapprocher, sauf que Prison School au moins... Bah Prison School, même les héros masculins en prennent pour plein la gueule. Voilà, quoi. C'est ça aussi. Et... C'est que ça fait la part des choses. Bah moi j'avais pensé aussi à Rosario Vampire. Vampire. Où justement on retrouve ce truc des créatures, justement, enfin des créatures un peu... sont toujours des nanas. Ce qu'on appelle des Monster Girls. Et tu as effectivement des scènes qui pourraient aller plus loin, où là c'est tranché directement, ça reste assez soft, et c'est pas le but non plus... je veux dire, le but, le plot twist, c'est pas je vais coucher avec toutes les nanas, non, c'est le mec déjà il veut survivre, c'est tout. Ouais. Et il y a beaucoup de scènes qui vont en ce sens-là. Il est protégé par son harem. Ah, j'y avais pas pensé à Rosario Vampire. C'est carrément pareil, mais en beaucoup moins malsain. Des très bons harem manga, il y en a plein. Il y avait un truc YouTube qui s'appelait Ma vie est un harem, qui s'est arrêté, mais où justement il parlait de beaucoup d'animés et de mangas type harem en disant si c'était bien ou pas, et la plupart du temps c'était bon, ben, c'est pas top. Jojo, c'est un manga harem. Hein ? Bien sûr. Il y a toujours le héros principal avec son harem autour. Qu'est-ce qu'il dit ? Bah oui. Les chevaliers de Zodiac, c'est un harem inversé. Bah oui. Parce qu'il y a plein de chevaliers pour Athéna. Pour Athéna. Voilà. Il est con. Ça s'appelle un gangbang. Non, et puis même. Oh putain. Oh. Non, et puis même des mangas qui abordent le sexe intelligemment, bah il y en a aussi. Par trouzaine on en trouve. Nozukiana, mais qu'on n'a jamais évoqué, et tu seras d'accord avec moi, la jeune fille de la plage, Dinyo Asano, voilà, qui aborde la découverte de la sexualité de manière super intelligente. En même temps, c'est Asano. Voilà. Enfin, globalement, même Poon Poon aborde par moment la découverte de la sexualité de manière intelligente. Ouais, Asano, c'est un mec intelligent. Pour voilà, vraiment très adulte, il y a aussi les bandes dessinées Selen. Ouais. Où c'est pas le seul thème, mais dans un truc comme quand l'arme ultime, la question est quand même assez importante aussi. Et voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des trucs, et puis il y a aussi... comment ça s'appelle déjà de Sapieri. Hein il nous sort des trucs obscurs, là, alors attention. Druna. Oui, il y a plein d'œuvres qui sont cool, quoi. Barbarella, en vieille bande dessinée française. Barbarella, oui. Voilà. Alors le film, non. Donc là, on vous a donné... Dans le film, c'est une pimbèche, mais dans la BD, c'est une femme forte. Là, on vous a donné plein d'œuvres de tête qui sont 100 fois plus cool, plus intelligentes que ça et qui sont beaucoup moins dangereuses. Donc, cherchez pas d'arguments pour défendre cette œuvre-là. Elle n'est pas défendable. Ouais, carrément. Elle n'est pas défendable, elle est tellement facilement remplaçable et oubliable. C'est oubliez-la. Après, si vous voulez en débattre dans les commentaires, n'hésitez pas. Ah, n'hésitez pas à commenter, il n'y a pas de souci. Des bisous, on vous aime. Œuvre suivante. Paix sur le monde, mon frère. Bon, on a bien parlé de... Putain, ça, limite, c'est le dossier de l'émission, quoi. Monster Musume. Ah oui, c'est franchement tout le temps que ça allait être le dossier de l'émission. Autour, donc, oui, voilà, c'est ça. Eh ben, la suite, c'est toi, Necro et Issam, puisque vous allez nous parler de Hyperion. Vous allez nous parler de ce petit manga science-fiction en deux tomes. Alors, je n'ai lu que... Par Doki. Édité par Doki Doki. Donc, Necro, tu n'as lu que le premier tome, et Issam a lu les deux, il me semble. Oui. Ouais. Alors, en résumé, c'est 4 ados qui se réveillent dans un centre hospitalier, qui ont perdu la mémoire, qui ne se rappellent de rien, même pas de leur identité. Et peu à peu, ils sont pris en charge par des docteurs, et peu à peu, ils commencent à retrouver des choses. Sauf que quand ils croient qu'ils vont aller mieux, que la mémoire leur est revenue, ils sont plus ou moins enlevés par un groupe de résistants qui leur explique bah, « En fait, vous étiez manipulés par une instance du gouvernement depuis le début, et tout ce qu'on vous a dit, c'était de la merde, et donc on va vous sauver de ces membres du gouvernement qui veulent vous manipuler. » Non, mais c'est assez compliqué. Hein, c'est l'histoire de Stephen King. De ce gouvernement qui veut vous manipuler, et dont le but est de pénétrer l'esprit de l'intégralité de la population. Et sinon, il y a un truc intéressant quand même, parce que là, on ne va pas non plus tout décrire le premier tome. C'est pour ça que je m'arrête là. Un truc intéressant, c'est que oui, donc ça y est, je m'en souviens bien, et le réveil des personnages, ça me fait penser à Cube, où justement, tu te réveilles dans les... Parce qu'au début, ils ne croisent personne, sauf ceux qui sont dans la même situation, quoi. C'est... à pas se rappeler de leur nom et à tomber sur des personnes qu'ils connaissent pas. Et du coup, j'ai pensé à Cube tout de suite. C'est super cool. Disais, mais merde. Oui. Cube, une bonne petite série B qu'on peut recommander aussi. Et je conseille... Décidément, ça aurait vraiment été un podcast recommandation. C'est un super bon réel en même temps. Cube et Cube 0, j'avais beaucoup aimé. Cube 2, j'ai trouvé que c'était de la merde. Mais cube au carré, s'il vous plaît. Est-ce que le 2, c'est le 2 au carré? Ah, Cube au carré, oui. Mais sinon, Cube 0, j'avais beaucoup apprécié aussi. Je n'ai pas vu. C'est Vincenzo Natali, je cherchais son nom, le réel de Cube. C'est lequel de Cube où à la fin, il sort du lac là, C'est justement le 0. C'est le 0, ça? Enfin, le sort du lac. Il y en a eu trois ou quatre des cubes. Je sais qu'à un moment, il y a un personnage qui sort dans le lac, il me semble. Alors, il sort pas d'un lac, c'est plus compliqué. C'était Kaamelott, c'était la dame du lac. Ah ouais, non, c'est pas faux. Mais c'est quoi que t'as pas compris? C'est lac ou mais dame? Sinon, pour revenir sur l'œuf, moi j'ai trouvé ça très rythmé et très bien dessiné. Je sais pas ce que t'en penses, déjà au niveau de l'esthétique du truc. Hein. C'est globalement très chouette. Les personnages sont cool. On s'attache facilement à eux, on arrive bien à les différencier au niveau de leur comportement, leur façon de prendre les choses aussi, parce qu'il y a vraiment des craquages des fois, il y a des personnages vraiment qui craquent complètement par rapport à la situation, parce qu'elle est quasiment invivable. Notamment l'un des personnages qui semble le plus fort, le plus facile, enfin celui qui a l'air d'apprécier le plus le truc et tout, enfin de l'appréhender le plus, tu vois, il va tout seul, il va craquer dans un coin et revient. Enfin, c'est intéressant. Bah, puis la découverte de toute la situation politique, des conflits qui règnent, est assez intéressante aussi. Elle est bien traitée, ça va vraiment petit à petit. C'est eux qui, au début, ne comprennent rien et puis peu à peu se rendent compte de l'ampleur de la situation. Et puis même, je veux dire, quand on voit les résistants... c'est par rapport à cette situation-là, tu leur fais pas confiance non plus, quoi. Sur le coup, tu te dis, mais c'est les mêmes connards, mais qui ont chacun leur truc à défendre, quoi. Oui, c'est ça. Donc ouais, c'est intéressant. Alors il y a un problème, c'est que c'est en deux tomes et on sent bien que c'était destiné à être plus long. La fin est ultra rushée. Ah. Alors c'est moins frappant que dans certains trucs qu'on a lus du style Méminis, mais la fin, le dernier chapitre va à toute allure et il y a des portes qui sont pas bien fermées. Il aurait fallu au moins 2-3 chapitres de plus pour conclure idéalement, voire même un tome. Donc voilà. C'est très souvent chez Doki Doki, dans les mangas édités par cet éditeur-là, c'est très souvent que les séries sont bâclées. Ouais, je sais pas pourquoi ils achètent en fait ce genre de série. Je sais pas. Pour faire de la masse. Peut-être. Non mais c'est vrai, en plus, les éditeurs en général achètent beaucoup de ça séries, même des pas très bons, pour faire de la masse. Ou ça peut être aussi une façon pas trop coûteuse de tester des styles auprès des gens. Après, il y a aussi, très souvent, les éditeurs étrangers vendent les séries par pack. Oui, aussi, ouais. Tu vois, par exemple, ils auraient pu Doki Doki en T'achètes ce bon truc, licence, et mais si tu prends ça. Tu prends ça en, pour aussi, les animés, quoi. Ça se fait beaucoup. Ça. Voilà. Et du coup, l'éditeur est obligé de sortir un truc, parce que bah, il a acheté les droits, donc on va le sortir, quoi. Autant le faire. On ouais. sait jamais, dans le doute. Alors que Panini, tu vois, ils achètent rien, comme ça ils sortent rien. Et les trucs qui sortent, et qui sont bien, ils s'arrêtent. Bah, ils les vendent pas. Parce qu'ils en font pas la pub. Voilà. Les gardiens de la nuit. Non, les rôdeurs de la nuit. Les rôdeurs de la nuit. Il y a la suite qui est sortie, ou quoi ? Il y a tome 2 qui est sorti, ouais. Ah, super. C'est bien. Deux tomes par an. Vous avez fini avec Hyperion, messieurs ? Tout à fait. Deux tomes dégueulasses, en plus. Passons donc, oui, vous conseille ça Ouais, quand même. Voilà. Malgré la fin bâclée. Ouais, c'est sympa. Bah, voilà, là, le voyage est cool. Voilà. C'est... Peu que j'en ai lu, hein, j'ai lu le premier tome, le voyage était cool pour moi. Eh bien, d'accord. Issam, tu vas continuer tout seul. Nous, on va partir. tu n'oublieras pas d'éteindre la lumière et de fermer la porte. Et donc, c'est le début de notre podcast Film Coro. Moi, je pense qu'on va commencer avec l'éclaircissement des coraux. Les coraux qui deviennent blancs et donc qui meurent. C'est une catastrophe. C'est, ah, ouais. c'est un drame dont on ne parle pas assez. Et c'est à cause des eaux stagnantes, hein, ça. Mais on parle aussi donc la taxifolia, qui est une herbe folle qui a tendance à tout détruire. Bon, mais on parle beaucoup des abeilles, mais au final, c'est les coraux qui font vivre. Bah, bien entendu. Mmh. Ouais. Non, plus sérieusement, là, on a fini avec tout. Il y a encore des œuvres. La terre plate. Bah, ça fait que si jamais elle s'incline, t'as tous les coraux qui glissent. C'est les coraux qui arrondissent la terre. C'est parce que les coraux injectent de l'oxygène dans la terre, donc ça a fait gonfler. D'ailleurs, les abeilles, scientifiquement prouvé, hein, c'est pas de la merde ce que je raconte. Les abeilles ne disparaissent pas, elles vont juste sur l'autre face de la planète. D'accord. Voilà. Donc, c'est un après, météo... elles retrouvent pas le chemin parce que c'est mal indiqué. Voilà. Et donc, s'il y a un météore qui nous touche, ça. Et donc, on se retrouve partout dans la galaxie. Sauf si c'est un météore de coraux. Et moi, j'ai entendu une théorie intéressante, c'est quand tu te déplaces, en fait, c'est pas toi qui te déplaces, c'est la Terre qui roule et qui fait en sorte que oui, tu te déplaces. La théorie du tapis roulant. Voilà. Ça veut dire que si deux personnes marchent dans un sens opposé. Non, parce qu'au final, tout s'équilibre, tu vois. D'accord. Mais est-ce que si, genre, les habitants entiers d'un pays sautent en même temps? Et bien, ceux d'en dessous, ils sautent aussi parce qu'ils sont poussés comme ça. Et est-ce que ça déplace la Terre, du coup? Alors, sachant que je connais cette théorie-là, et il paraît que le prochain stade de l'évolution, quoi, c'est la Terre devient un escalateur. Ça, il m'a fait peur, genre, il y a une secte de mecs, tous les matins, ils sautent dans l'espoir de faire bouger la Terre. Ça a bougé d'un micro. Ils ont une application sur téléphone qui fait le top. Top. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Mais comment on en a vu à parler de ça? Je sais pas. La suite. C'est de la quoi suite. Je dois parler. Mais là, c'est vraiment la recommandation là. Non. Mais... c'est un manga, mais je suis le seul à l'avoir lu. C'est ça, c'est notre Ikari Club de Furuya, édité par IMHO, un bouquin qui aurait dû sortir il y a déjà 3 ans au moins. Alors, qui a sorti avec beaucoup de retard. Ça va aller. Issam, vas-y. Ça va aller très vite. Je vais même pas faire le résumé. Notre Ikari Club, c'est très bien. Ah, c'est très bien dessiné. Les thèmes sont très intéressants. Enfin, c'est du Furuya, j'ai l'impression. Les deux trucs que j'ai lu de lui sont excellents. Le souci de notre Ikari Club, c'est que c'est un préquel à une autre série de Furuya qui a une vingtaine d'années et qui s'appelait Litchi Ikari Club. Et c'est vraiment un préquel. La fin de notre Ikari Club n'est pas une vraie fin, en fait. Il faudrait enchaîner directement sur le Litchi Ikari Club, qui n'est plus édité. Donc, si vous n'avez pas le Litchi Ikari Club chez vous, ça sert à rien d'avoir notre Ikari Club, parce que ça n'a pas de fin et ça n'a pas pour but d'en avoir une. C'est ça. Mais du coup, il y a juste à prier que l'éditeur réimprime. Voilà, j'adorerais lire Litchi. Mais moi aussi, ça pourrait être justement un prémisse à la réédition. Bah, je crois que c'était censé être le but, mais qu'il galère un peu à la c'est rééditer. Ça. T'es en train de dire qu'ils ont sorti la suite, après il y a eu du temps, et là ils ont sorti ce qui se passe avant. Non, en parce fait, que c'est l'auteur qui a fait ça. C'est l'auteur qui a fait Litchi Ikari Club, c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre. Et c'est 15 ans plus tard, quelque chose comme ça, qu'il a écrit notre Ikari Club. Ok, d'accord. Il a fait ce qu'on appelle une George Lucas. Voilà, c'est ça. Oui, mais bien... Après quel ouais oui, mais il a bien fait, c'est vraiment excellent. Le souci, c'est que ça n'a pas de fin. Monsieur, arrêtez, George Lucas, c'est un génie, s'il vous plaît. Pardon. Donc je prie pour qu'on soit réédité. Arrête de dire des gens comme ça. Parce que si Litchi Ikari Club est réédité, bah, je me les prends direct, les Notre Ikari Club. C'est vraiment très bien. Oui, mais d'abord, tu finis Nozokiana. Et après, on les colle un pudique. Voilà. Et surtout, t'oublies pas où tu les achètes. Ah ouais, tu vois, je t'ai dit que je serais rapide. C'est bien, je suis fier de toi. Et ben on va enchaîner avec un autre titre de Furuya, parce que toi et moi, on va recommander un titre qui vient de se terminer, qui est « Je voudrais être tué par une lycéenne ». C'est en 2 tomes. Ah, c'est le même auteur. C'est le même auteur. Et ça raconte l'histoire d'un prof de lycée, dont le fantasme, c'est d'être tué par étranglement, par strangulation, C'est précis, attention. Par une lycéenne. D'accord. Et donc, il choisit... Et on sait pourquoi, ou ça reste un... C'est un fantasme, il n'y a pas vraiment de raison... Alors, je sais pas si c'est un fantasme qui existe vraiment, le fantasme d'être tué, mais dans le bouquin, on nous fait comprendre que c'est un fantasme. Dans ce monde-là, ça existe. Moi, je pense que ça existe. Ouais. Ah, bah, le fait d'être tué par une écolière japonaise, c'est un fantasme qui existe. Hein. Par contre, par strangulation spécifiquement, c'est bien précis. Je pense que sur ce genre de choses, il n'y a pas de limite en fait. Ouais, tu penses? Tout existe, à mon avis. Un fantasme? Ouais, genre de truc. Ouais, c'est comme les phobies, quoi. Oui, voilà. Il n'y a pas de limite, quoi. Si, il y a bien des gens qui ont la phobie des chauves. Mais t'as la phobie des chauves, c'est ça que tu me dis? Vas-y. Ouais, j'ai ma propre phobie. Tu n'es pas chauve, tu es légèrement dégarni. Donc niveau qualité, mis à part que visuellement c'est très beau parce que c'est du fourria, vraiment le gros point moi qui m'a marqué, je pense que ça va être pareil pour toi Issam, c'est les personnages et leur caractère. Ouais. Qui sont super bien définis. Bah, c'est assez intéressant parce que ça part d'un personnage, le prof, et ce personnage nous présente dans le premier chapitre son fantasme et plus précisément la lycéenne précisément par qui il aimerait être tué. Et du coup le chapitre suivant c'est vu du point de vue de cette lycéenne et on découvre elle aussi sa vie, ses pensées. En fait, à chaque chapitre, le narrateur change et ça nous permet de découvrir des nouveaux personnages, de découvrir pour chaque personnage ce qu'il pense. Donc ouais, au niveau psychologie des personnages, c'est vachement intéressant. Ouais. Avec un personnage qui souffre d'Asperger. On avait parlé déjà du syndrome d'Asperger en disant que c'était très souvent utilisé comme un deus ex machina pourri. Et ben là, c'est pas du tout le cas. C'est super bien traité. Là, c'est très bien traité, c'est bien amené. Mmh. Et le personnage est super attachant, en plus de ça. Ouais. Et bah, du coup, la fin, elle est bien. La fin est très très bien. La fin est excellente. Après, il y a énormément de rebondissements dans le tome 2, donc on va pas trop en parler. Mmh. Mais okay. Ouais, la fin est très bien. C'est vraiment, il n'y a pas grand chose à en dire, c'est excellent, lisez-le. En même temps, c'est qu'en deux tomes, donc c'est pour ça que c'est compliqué d'en parler beaucoup. Niveau psychologie des personnages, voilà. Niveau psychologie des personnages, c'est brillant. Voilà. Niveau écriture aussi, c'est bien. Parce que tu sais, t'as la narration en case normale, et puis t'as l'espèce de petite narration vraiment de narrateur en fait. Pas seulement du dessin qui passe, t'as vraiment une espèce de. T'as une double narration en fait, t'as une espèce de double narration. T'as une espèce de double narration en parallèle qui est vraiment bien foutue. Et du coup, il n'y a pas vraiment de personnages principaux. Je crois que des personnages qu'on voit, le seul dont on n'a pas le point de vue, c'est justement la lycéenne Asperger. C'est ça. Donc il garde toujours en plus un petit côté mystérieux. C'est intriguant. C'est très très bien. Ouais, je te le recommande. Vraiment, le seul point noir au tableau, ça a été le rythme de parution de Delcourt. Ils ont sorti un tome en début d'année et la fin, ils ont attendu là le mois d'octobre. Ah, c'était là, n'importe quoi. Vous quoi. Pouvez vous lire les deux d'un coup. Donc. C'est d'ailleurs pour ça que monsieur Issam a attendu. Il m'a été offert par des admirateurs. Même Berserk que pour approcher. Même Berserk que pour approcher. Oh. Donc, est-ce qu'on conseille Ouais, je voudrais tuer par une lycéenne, bien sûr. C'est probablement mon seul coup de cœur c'est un grand oui. De cette liste. Donc, oui, ouais, bah moi aussi. Carrément. Attends, oui. Il n'y a pas eu grand chose pour moi ce mois-ci. Donc, oui, on conseille énormément. C'est qu'en deux tomes, c'est une série qui ne demande pas un investissement de ouf. C'est un beau cadeau aussi à faire. Ouais. N'est-ce pas, monsieur Issam? En plus, les couvertures sont magnifiques, je trouve. Ouais, elles sont assez sobres. Ouais. C'est très joli. Ouais, c'est des cool. Donc, les personnages qui sont dessinés sur un fond gris, tout simplement. Ouais, je suis d'accord, elles sont jolies. Et je crois que les deux couvertures se raccordent. C'est un champ et un contre-champ, je crois, j'ai l'impression. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, il est grand temps de boucler cette émission avec la recommandation de monsieur Issam. Issam, de quoi tu vas nous parler? Ah, Monster Musume, d'accord, je me disais bien aussi. Alors, moi, je vais anguille sous roche. Moi, je vais vous parler de deux bandes dessinées en un tome françaises qui ont été faites par la même équipe, à savoir le scénariste Velman, donc c'est le scénariste des Spirou notamment en ce moment. Ils sont très bons, les Spirou de Velman. Ils sont très bons. Et le duo de dessinateurs, alors je ne sais pas comment ça se prononce. Kerascoët, apparemment c'est inspiré du nom d'un village breton. Bah, ça commence par Ker déjà. Ouais, Kerascoët ou Kerascoët. Voilà, c'est un duo de dessinateurs. La première de ces BD, c'est Jolies Ténèbres. L'histoire de Jolies Ténèbres, c'est des créatures de contes de fées, donc le prince charmant, la princesse, le petit bouffon, enfin, vraiment les créatures que vous pouvez trouver dans tous les contes de fées. Le petit bouffon, on l'a même dans la vraie vie. Hein. Voilà. Qui vivent heureuses, on ne sait pas trop où, dans leur monde, jusqu'à ce qu'une catastrophe étrange survienne et laisse ces créatures abandonnées dans une forêt, mais une véritable forêt, une forêt à taille humaine, alors qu'elle, elle mesure 2-3 cm. Et donc elle se retrouve abandonnée dans ce milieu hostile, qui plus est, à côté du cadavre d'une petite fille. D'accord. Et donc on va... c'est très étrange. C'est ça. La BD raconte comment ces créatures de contes de fées essaient de survivre dans la forêt, avec le cadavre qui pourrit petit à petit à côté d'elle. Elle s'installe à côté de lui. Et donc on sent qu'elles perdent peu à peu leur côté innocent et tout mignon de contes de fées, parce que c'est dans une vraie forêt avec des animaux sauvages, ça permet pas de survivre. Et elles deviennent de plus en plus odieuses, elles commencent à s'entretuer. Donc il y a tout un récit sur la perte de l'innocence qui se met en place. Alors, ce qui est très intéressant d'après ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment une esthétique complètement différente entre justement ces personnages de contes de fées qui sont très mignons, choupis et tout ça, même au niveau du trait de dessin. C'est presque du truc pour enfants. Et à côté de ça, quand on voit le cadavre de la petite fille, on voit vraiment le cadavre, on se dit oui, ok, là c'est réaliste, là on est dans le vrai monde. C'est un vrai cadavre. On... C'est ça, c'est encore pire par la suite quand le cadavre commence à pourrir. À revenir à la vie. donc, oui, il y a cette opposition entre un graphisme très mignon, limite enfantin. Qui fait un peu aquarelle et crayon de couleur de temps en temps. Visuellement, c'est très joli. Hein. Et le style plus réaliste des décors et de certains personnages qu'on découvre. Visuellement, et les couleurs aussi sont très très très très chouettes. C'est où que ça tue ? Ouf, un peu partout. Là, ça commence déjà. Innocemment, des fois, ils vont arracher les ailes à des oiseaux, mais sans se rendre compte, même qu'ils font du mal. C'est juste qu'ils ont besoin d'une monture. Ce qui est à leur hauteur, c'est un oiseau. Mais sauf que l'oiseau, il vole, donc il faut lui arracher les ailes pour que ça reste une monture normale. Et c'est comme ça qu'on a inventé les chocobos. Ah. Pardon. Ouais. Si c'est arrivé. Elle a crevé les yeux de la souris. Oui. Vilaine souris. Tiens. Parce qu'elle a pissé sur son dîner d'anniversaire. Oui, d'un seul coup, ça devient mignon. Pisse, okay. Ah oui, non, mais c'est ça devient super cruel. Attends, tous. Et je résume, c'est le goûter d'anniversaire, quoi. Je résume rapidement l'autre BD, parce que mon avis, merde, après, sera valable pour les deux. Satani, c'est l'histoire d'une jeune fille, appelée Charlie, qui se lance dans une expédition avec quelques autres personnes dans les entrailles de la Terre pour rejoindre la Satani, parce que son frère est parti... Le pays de Satan. C'est ça. Parce que son frère est parti dans une expédition similaire quelques temps auparavant et n'est pas revenu. Et donc elle veut absolument retrouver son frère. Et pareil, en fait, plus ils vont sombrer dans les entrailles de la Terre, plus ils vont découvrir un monde étrange, très absurde, très malsain, qui va bouleverser totalement leurs repères, surtout leurs repères moraux, et qui va mettre leur psychologie, enfin ils vont devenir de plus en plus tarés au fur et à mesure, en gros. C'est donc le voyage que tu as vécu personnellement. C'est ça. Un corail des mots. C'est, encore une fois, visuellement, c'est magnifique. Plus coloré que ne l'est Jolies Ténèbres. C'est vraiment sublime, il y a des... Juste un truc que je repère, là j'ai l'impression que plus t'avances, plus la saturation des couleurs devient importante. Ah, plus t'avances, plus ça devient n'importe quoi visuellement. C'est super. T'as l'impression que c'est une sorte de trip sous LSD où le LSD commence à prendre effet. C'est ça. Voilà, il y a des planches comme ça. Ouais, voilà. Là t'es en trip sous LSD. Imaginez que vous, pour ceux qui n'ont pas l'image, imaginez que Toulouse sous LSD. C'est un peu ça. Et donc les deux BD, pour moi, ont à peu près les mêmes qualités, c'est-à-dire ça développe un univers complètement taré. Ce qui est rigolo, c'est que c'est un peu l'inverse, elles sont un peu en miroir l'une de l'autre, c'est-à-dire dans Jolies Ténèbres, c'est des créatures de contes de fées qui se retrouvent dans un monde réaliste, et dans Satani, c'est l'inverse. Les deux sont magnifiques visuellement, tant au niveau du trait qu'au niveau des couleurs. C'est Carrasco qui s'occupe eux-mêmes de leurs couleurs, je pense. Mmh. Et les deux traitent de thèmes assez intéressants, notamment autour de l'évolution psychologique et de la perte de l'innocence. C'est un thème que je trouve assez important dans les deux. Et moi, c'est un thème qui me passionne, en fait, dans les œuvres en général. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. En plus, pas mal d'humour noir, des personnages très attachants. Donc voilà, grosse recommandation sur les deux. Visuellement, c'est des claques. Et c'est encore dispo, tout ça? Alors, Satani, facilement. Oui, c'est récent, Satani. Jolies Ténèbres, je crois qu'il devient un peu plus dur à trouver neuf. Par contre, d'occasion, il coûte pas grand-chose. Si tu veux, je peux répondre à cette question. Oh là là, donne-moi quelques minutes. C'est en non, plus... Non, mais j'irai sur la fenêtre, t'inquiète. Alors, on peut préciser que Jolies Ténèbres est disponible chez Dupuis et Satani chez Édition Soleil. Ouais. Oui. Alors Satani, faites attention parce qu'en fait, il y avait un premier tome qui était sorti il y a quelques années. Je crois que c'était chez Dupuis aussi, mais qui s'était pas bien vendu. Et ça correspond à la première moitié de ce livre-là. En fait, ça devait être prévu en deux tomes à la base. Et ça a été récupéré, du coup, quelques années plus tard pour que la fin puisse sortir. Mais faites attention à pas acheter le vieux tome où vous auriez que la moitié de l'histoire sans possibilité d'avoir la suite. C'est marrant, ce type de genre de trip halluciné, là, tel que je vois, ça me fait un peu penser à... ça vous dit quelque chose, le dessinateur Fred, qui a fait quoi? Avec Omar. Oh la vache. te ramènerai une bande dessinée de Fred où justement tu vois à chaque fois t'as toujours des trucs assez bizarres, genre par exemple t'as un mec normal dans la vie de tous les jours qui d'un seul coup va voir une locomotive débarquer avec des nains dessus, tu vois, ce genre de choses où tu te dis ouais, bah moi tous les matins, ok, c'est normal. Surtout que t'avais pas de rail devant ta maison, donc qu'est-ce qu'ils foutent là dans ce sens, hein? Bah tu vois, c'est ça quoi. Et l'embarque pour la nuit. Et qu'il l'embarque dans un monde complètement pété du casque quoi. Bon, j'avoue là, ça commence à devenir trop. Mais ouais, dans Jolies Ténèbres, il y a en fait, c'est vraiment des créatures de l'imaginaire d'un enfant. C'est donc quand elles sont cruelles, c'est avec la cruauté d'un enfant. C'est genre, il y en a une qui est un peu défigurée, qui il lui manque un œil. Bah toutes les autres sont super méchantes avec elle parce que ah regardez, elle est pas comme nous. Mais avec un côté très enfantin, presque mignon dans leur côté odieux. Ouais, donc c'est en ça que c'est vachement intéressant. Bah c'est ça que ça rend le côté machiavélique. C'est ça que ça. C'est ça. Non, c'est pas du machiavélisme, c'est de l'innocence. C'est-à-dire que l'innocence n'est pas forcément bonne. Ouais. Elle a pas de morale, l'innocence. Elle est pas... Ouais, c'est encore plus démoniaque, je trouve. C'est comme ça. Ah oui. C'est presque pervers, des fois. C'est exactement ça. Ouais, ouais. C'est bien ton truc. Ah, et puis en plus, sur les deux, je trouve les livres super jolis, Jolies Ténèbres. Il y a une jaquette et même la couverture en dessous est très belle. Et puis Satanie, et, Satanie, elle est super classe. Les reliefs, non, c'est des magnifiques bouquins. Pour le coup, c'est quand même de la lecture vraiment purement adulte. Hein. Bah, disons que pour enfant, tu me files Jolies Ténèbres, je veux dire, à un moment, il fait une thérapie, quoi, le gamin. Oui. Il est pas bien après. Maman, elle était bien, ta BD, je veux la suite. Donc, Jolies Ténèbres est actuellement en rupture de stock et Satanie est, quant à elle, bien disponible. Et à mon avis, Jolies Ténèbres sera toujours en rupture de stock, donc procurez-le-vous d'occasion si vous le voulez. Voilà, et assez vraiment, vite, ça parce que. Parce que ça risque. Et bravo aux auteurs. Eh bien, nous le commandons tous, tout de suite. J'espère sincèrement qu'ils vont refaire des trucs ensemble, les trois, parce que. Voilà, c'est... Alex le rajoute déjà, sur sa liste. Déjà séparément, ils sont... eBay, déjà, séparément ils sont super talentueux. Ce que fait Karatsuko en temps habituel, c'est très beau aussi. Mais ensemble, voilà, c'est génial. Une bien bonne recommandation qui nous aura convaincus tous les trois. Et encore une fois, je tiens à préciser que j'ai fait une recommandation courte. Marquez pas votre joie. 20 euros, 9 euros sur eBay, c'est accessible. Non, moi, ça me faisait penser à une autre œuvre qui est donc le. Je crois que c'est le livre des fées écrasées qui avait été fait par Thierry Gilliam, je me souviens bien. Oui, c'est ça. Et qui était assez sympa, qui est une sorte d'herbier avec des fées écrasées dedans. Quoi. Bah, y a une dimension un peu, des fois, Thierry Gilliam dans l'univers, dans l'humour, ça peut y faire penser. Ouais, ouais. Issam, as-tu fini pour ta recommandation ? Moi, j'ai fini. Eh bien, dans ce cas-là, nous avons fini. Merci, Issam. Cool. Merci, Issam. Merci, Issam. Merci, Issam. T'es gentil, Issam. Bravo, Issam. Tu nous les donnes, Issam. Tu me les donnes, hein. Ouais, d'occasion, Jolies Ténèbres, ça vaut pas beaucoup plus qu'un thème de Monster Musume. T'as pas répondu à la question, Issam. Non, vous pouvez aller vous faire foutre. Mais ah, l'enculé. Bon, moi, j'ai vu quelques pages où je vais aller prendre 15 ans de thérapie. Hein. Bon, messieurs, il est temps de terminer cette émission par le traditionnel tour de table. Alex, où on peut te retrouver ? Nulle part. D'accord. Comment ça, nulle part ? Je suis invisible sur les réseaux. Arrête, tu retweets des boobs et des fesses. Arrête. Pas toujours. Ah, pas toujours. Alors et oui, que... ça m'arrive. Alors, c'est pas des boobs et des fesses, c'est des chats ou des pandas que tu retweets, arrête. Non, moi, je suis abonné à quelqu'un qui dessine des boobs et des fesses, mais... Ah. Encore une chose. Oui, moi aussi, bon. Nécro, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Bah, sur ma chaise. Hey, ça ferait un super nom de chaîne. Un super nom de chaîne YouTube. Sur ma chaise, oui. Ou un super nom de blog. Sur ma chaise. Un truc de podcast. Bonjour et bienvenue dans Sur ma chaise. Ma chaîne s'appelle vraiment comme ça. Non, mais toujours sur Twitter, Necronomicor. Tu t'en sors dans tes vidéos là alors ou... Bah, en fait, je vais savoir jusqu'où je peux aller. Ah oui. Et oui, j'ai appris pour les OST des anciens jeux vidéo, par exemple, je peux les utiliser sans problème. Ça, c'est intéressant à savoir. Hein, le fait que les OST des anciens jeux vidéo n'étaient pas spécialement protégés. Ils protégeaient le jeu, pas spécialement la musique. Ils s'en foutaient. Les OST des jeux japonais, globalement, ne sont pas protégés, même récents. Bah oui, ça c'est cool. Mais... Du coup, ça m'intéresse parce que ouais. Justement, il y a des trucs que je pourrais utiliser. Je savais pas si je pouvais les utiliser ou pas. Dès que je vois maintenant que c'est des OST qui sont directement sur YouTube, que je peux avoir en intégrale, je me dis ouais, c'est cool. Après, je rejoins Issam, tu ferais bien de pas te préoccuper de ça parce que je pense que même les trucs que t'as le droit d'utiliser, le robot YouTube il va te casser les couilles avec. Le souci, c'est qu'il suffit qu'un jour quelqu'un le dépose pour une raison ou pour une autre et tu vas te faire niquer. C'est ce qui s'était passé avec je sais plus quel YouTuber en fait qui avait fait une vidéo mais qui avait aucun problème de droit. sauf qu'un extrait de cette vidéo avait été diffusé, sans lui demander son avis, au JT, de je sais plus lequel, TF1, enfin quelque chose comme ça. Et les chaînes de télé, quand elles diffusent quelque chose, déposent automatiquement les droits. Et donc, YouTube, après, avait striké la vidéo originale, soi-disant que c'était du contenu appartenant à TF1. Il y aurait pu y avoir le coup avec Kyle Freak, il aurait pu y avoir avec Voxmaker, parce que aussi, ils ont été justement... Donc, il faut pas faire attention à ces questions de droit, parce qu'il n'y a rien de légal ou d'illégal dans cette histoire. Ça veut dire que les espèces de vidéogags modernes là, qui passent sur D8 avec toutes les vidéos YouTube, ça leur appartient après ? Bah, s'ils le déposent, techniquement, il y a le risque. Il y a Ganesh qui s'est retrouvé, il y a une vidéo, il y a une leaflet qui était sortie sur qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'attentat. Je crois que c'était Ganesh qui avait eu ce problème-là. Et Ganesh qui a eu un gros problème. Je crois que c'était Ganesh. Parce qu'il avait fait donc une parodie à partir de ces images-là. Sauf qu'à partir des mêmes images, Canal Plus avait fait un truc. Il avait juste exposé comme ça, en expliquant, voilà, il faut faire ça, ça, ça. Et ils ont déposé ce qu'ils ont fait, eux. Ouais, bah vu que les images correspondaient, Ganesh s'est retrouvé avec un strike. Donc voilà. De la part de Canal Plus, en automatique. Donc voilà, donc en ce moment, je suis à fond justement sur essayer de comprendre qu'est-ce que je pourrais faire sans que ce soit la loose. Et effectivement, je m'inspire du coup de ce que font les chaînes, comme par exemple la chaîne d'Edouard, les chaînes JDG, faut pas que je m'en inspire parce que lui, franchement, je ferais pareil, je me ferais strike. Mais voilà, j'essaie de voir à peu près ce que font les petites chaînes. Donc, tu crois que lui, il s'en préoccupe quand il poste ses vidéos de Godzilla et de. Grave, j'en ai rien à foutre. Moi-même, quand je poste mes extraits de films, hein, j'en ai rien à péter. Mais à une époque, tu pouvais te faire strike par exemple en jouant à Fallout parce que les musiques, elles, sont déposées. Ah voilà, Issam, donc toi Moi, vous pouvez me retrouver sur la chaîne L'Archiviste du Cinéma. Donc, c'est surcoté. Hein. Ouais, il paraît. Donc, dernière vidéo sur les films ratés, enfin les films ratés hollywoodiens de réalisateurs asiatiques. On parle et t'as de quand même réussi à caser un Jackie Chan dedans, hein, je l'ai vu. Hein. Ouais, bah, il faut toujours caser un compliment à Jackie Chan. Pour Jackie Chan. De toute façon, le meilleur, c'est Louis de Funès. C'est ça, le meilleur, c'est Louis de Funès. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Donc voilà. On parle de 5 échecs, on parle de Double Team, on parle de Jean-Claude Van Damme, d'Akira Kurosawa, de plein de gens cool. Il y a même un passage animé. C'est Miyazaki qui me l'a fait. Miyazaki qui a animé. Il l'a fait rien que pour toi. Mais... En 5 minutes, en sortant d'une beuverie. Mais son petit-fils qui vient de naître, je crois, c'est ça ? C'est ça. D'accord. C'est Gérard, pas Ayao. C'est... Gérard Miyazaki. Voilà, c'est pas Ayao. C'est Georges-Édouard. 3 ans. Jean-Claude Van Damme s'est retrouvé plusieurs fois dans la situation où, en pensant bien faire et en essayant de faire quelque chose de cool, s'est retrouvé à faire des échecs hollywoodiens. Très souvent quand il était sous coke, ouais. Ça lui arrivait très souvent à cette époque-là. Bah, toutes les années 90, quoi. C'était voilà. Qui avait voulu faire venir comme réalisateur asiatique et que finalement le réalisateur s'est barré en disant non, mais c'est de la merde Hollywood. Moi, je continue de faire les films. Hein. Oui, c'est Tuyark. Oui, voilà. Mais il s'est vengé avant de se barrer. C'est-à-dire, il s'est pas juste barré, il a humilié Van Damme en le fouettant avec... avec un poisson. Avec un poisson avant. Sur un pouce-pouce. Sur un pouce-pouce. Parce que Tuyark est un peu rancunier. Bravo. Donc voilà, et sinon, il y a aussi l'émission Opération Nanar, où on regarde des nanars qu'on commente, mais le montage du deuxième épisode patine en ce moment. Ah, mais comme les montages de Casse sur Table et de La Guerre des Clapes. D'ailleurs, vous écoutez ce podcast, nous sommes en avril, mais on l'a tourné en décembre. Alors, ceux qui écoutent ce podcast, décembre 2015, je précise. Voilà, pour ceux qui écoutent ce podcast, voilà, on a voilà, Macron n'est pas encore élu. Hein. Ouais, ouais. On le connaît pas encore. Bah, nous, on n'en est pas là, on est notre bon général de Gaulle. Il y a le petit Pompidou qui commence à monter, mais il passera jamais. Le petit Pompidou, la barrière de corail, elle est bien à cette époque-là. L'énergie atomique, c'est l'avenir. On dit encore des hérissons. Oh la vache. Je fais pas la liaison. Bon, et toi alors ? Bah, moi, vous pouvez me retrouver à la librairie au Gré des Bulles, hein, au 44 du Jard, à Reims, qui accueille l'enregistrement de cette émission. Et vous pouvez également me retrouver sur YouTube, enfin, je ne suis pas seul sur YouTube, avec Gensuga et l'année prochaine, enfin, à partir de l'année prochaine, avec le monsieur qui est à côté de moi, avec Issam, oh, mon Dieu. Qui fera également des lives sur Twitch. Donc, Twitch et YouTube, c'est pareil, c'est Gamer Bizarre Adventure. Donc, sur Twitch pour des lives et sur, sur le YouTube pour des let's play. En ce moment, let's play Ratchet & Clank et Godzilla. Et à la boutique pour acheter Satani pour Noël, il est encore temps. Et non. Sur la chaîne aussi, n'hésitez pas. Non, il n'est plus temps, je pense. Bah, quand on postera ce podcast, il sera temps pour Noël 2019. Ouais, c'est ça. C'est pas faux. Et sinon, sur la chaîne, n'hésitez pas, il y a aussi un gros let's play sur Final Fantasy 9 en version HD. Qui est en cours. Et en version doublée, surtout. Hein. En version doublée. Que c'est doublé. Doublage 2000. Par une équipe très compétente de une personne. Vous me direz merci quand vous verrez ça, enfin quand vous entendrez ça. Et si on dépasse les 100 spectateurs, non, les 100 abonnés à la chaîne, il fait Final Fantasy VIII en comédie musicale. Voilà, démerde-toi. Mais en parallèle, il y a aussi le live de Gensuga sur FF7 qui vient de commencer, avec également du doublage 2000 dedans. Oh, lui aussi fait du doublage, mais lui il fait du doublage en réinventant l'histoire. C'est-à-dire que Claude est devenu Klaus, qui est un ex-soldat nazi qui Avec les accents allemands. Mais qu'est-ce qu'il a fait. Ben, voilà. Alors que moi j'ai gardé l'histoire, tu vois, c'est juste le doublage qui part en couille. Il en tient une couche lui aussi. Faudra que j'aille regarder ça, tiens. Ouais. Donc voilà, Godzilla, Ratchet & Clank, FF8 et FF7, c'est enfin, SS7 du coup. C'est un peu ça. Il est grand temps de vous dire au revoir. Merci d'avoir regardé cette émission. N'oubliez pas que si vous l'appréciez, vous pouvez en parler autour de vous. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, à vous abonner sur PodCloud parce que c'est disponible. On vous aime, des bisous et à la prochaine. À plus. Bye bye. Salut.